Indestar. Bonjour à tous, bienvenue sur Indestar et plus précisément dans Peck Avenger, il est 21h. Bah on va se lancer. Chaud ce soir ? Oui ! Ah bah ça fait plaisir. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Ouais. Bonjour à tous. Salut. Salut Denis. Salut. Bonne année. Oui, bonne année. Bonne année à tout le monde. On m'entend pas, moi. Vous savez tous un micro. Moi non plus, je m'entends pas. T'entends pas ? Ouais, c'est bizarre. Non, c'est normal. Ça fait ça quand c'est neuf. D'accord. C'est le début de l'année, c'est normal. Mais est-ce que vous avez tous un micro ? Est branché ? Vous avez pas de micro de ce côté ? Si, je t'entends. Non. Oui, c'est bon, ça fonctionne. Est-ce que vous avez un micro de ce côté-là ? Vous en avez un pour deux. D'accord. Ouais. Il nous manque un micro, c'est génial. Vos micros ne marchent pas. Essayez de parler dedans. Vas-y. Ah, non, on t'entend pas. Non, on t'entend que à travers mon micro. C'est bizarre ça. Est-ce que tu peux appeler Théo, Antoine, s'il te plaît ? Ah si, attends. C'est peut-être ça ? Ouais. Toujours non, pas. Toujours pas. On regarde s'il est, il est allumé, s'il est en on. Ah, c'était peut-être un piège ? Alors, alors ça doit être dans ces boutons-là. On a un souci de micro. Hein ? On est en... Il nous manque des micros. Ouais, c'est les aléas du direct, malheureusement. Ouais, bon, c'est la première Peck Avenger. Là, je m'entends. Ouais, ouais, c'est bon. On t'entend. Malheureusement, on t'entend. Oui, c'est bon, on t'entend. Bah, c'est nickel. Bon. Il marche. Gaëlan, on t'entend aussi ou pas ? Ouais, je pense. Alors, est-ce qu'on entend tout le monde ? Ouais, c'est bon. Allez. Je pense. Deux. C'est pas... On t'a entendu. On attendait la suite, mais non, il y avait juste deux. Personne d'autre s'est lancé, on n'est que deux apparemment. Visiblement. Alors. Et pourtant, d'après les images, j'en ai plus. On va pouvoir relancer cette émission correctement. Ouais. Alors, bonjour à tous. Salut. Bonjour Teddy. Salut Teddy. Bonjour. Magnifique. Bonjour à vous là-bas. Je t'ai pas entendu dire bonjour. Passe ton micro à ta voisine aussi. Bonsoir. Voilà. La première fois c'est à dire qu'on va quand même piquer ma place là-bas. Ouais, mais ça c'est normal, c'est vrai. C'est parce que ta mutation est prévue, donc du coup il te rapproche de la porte. C'est ça. La prochaine, t'as fait carrément à côté de la porte. L'enfoiré. Tu noteras que la porte est pas encore ouverte, hein, mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder, effectivement. Alors, dans cette première de Peck Avenger, la première 2020, on va parler de ce qu'on veut. Il n'y a pas encore de thème, c'est jeudi prochain qu'il y a des thèmes. Thème Harry Potter pour le coup, ça sera une grosse émission. Je peux teaser aussi que le dimanche on aura le Culture Day, c'est ça, à Nazel, où on va participer au tournoi Smash, on va faire des animations. Voilà, il y a Daniel et Dimitri qui sont là pour représenter. Oui. Et dans le micro, c'est encore mieux. Oui. Pardon, je l'ai oublié, je lève ma main de joie, le bras, le bras. On sait aussi. Ouais, voilà, c'est... Du moment qu'il lève pas autre chose quand il est en joie. C'est vrai que tant qu'il lève pas autre chose, on est bien. C'est ce qu'on appelle une Gaëlan, pour ceux qui ne savent pas. Gaëlan, tu lèves autre chose que tes bras ? Non. T'avais le droit. C'est pas chiant. Ça devient gênant là. Non ? Non, on a aussi. On a aussi d'autres invités que ceux d'habitude. Alors ceux d'habitude, il y a toujours Jolan. Oui, bonsoir. Voilà. Il y a toujours Gaëlan. Bonsoir. Il y a toujours presque Marguerite. Pourquoi presque Marguerite ? T'étais absente en décembre. Voilà. Oui, bah excuse-moi. Excuse-moi, je travaille. Je travaille, pardon. Oui, bah alors Teddy, il était triste. Hein. Ouais, ah, c'est vrai. Je m'en doute. Il a pleuré. Tu nous as presque manqué. Presque. Juste presque. D'accord, yes. Et nous avons toujours Antoine. Oui, en pleine mutation. Oui, en pleine mutation. Tu participes à ta dernière ou avant-dernière à peu près ? Peut-être de Peck Avenger et après tu vas passer dans l'émission Actu Solite pour rejoindre tes sœurs parce que tu les aimes. Parce qu'ils aiment bien quand je leur fais des câlins. Je suis pas sûr que ça soit réciproque. On leur demandera. Bon, nous avons aussi un petit. 31 ans. Petit, non, c'est pas. Petit. J'irai pas presque mon père, mais. Tu t'appelles Charles. Je m'appelle Charles et c'est ma deuxième fois ici chez Indestar. Oui. C'est vrai. Après mardi et... Ouais, tu passais dans J'ai vu la lumière, c'est ça ? C'est ça, avec Clément et Teddy aussi. Ça t'a plu d'ailleurs ? C'était mortel. Et c'est souvent du coup, bien tu vas venir de temps en temps, toi, dans Peck Avenger ? Ou tout le temps ? Ou je J'aspire sais pas. À venir souvent, ouais. si je gêne pas trop. Bon, on peut te trouver un coin à côté d'Antoine. Franchement, ça devrait aller. Fais gaffe, tu vas être muté bientôt, toi aussi. Hein. Non, mais c'est comme tu veux. Et toi, du coup, tu... tu nous parleras de quoi à peu près? Alors, c'est quel domaine? Alors le domaine, ça va être le cinéma, comme par hasard. Oui, parce que t'as un projet de rejoindre l'ESCAT. L'ESCAT, ouais. D'ailleurs, je vais faire une sorte de porte ouverte, mini porte ouverte samedi. L'ESCAT? Ouais. Ah, il y a les portes ouvertes pour l'ESCAT? Ouais, c'est une petite visite comme ça. Ah, j'aurais peut-être y aller, tiens, juste pour me... Juste pour voir. Ouais. Ça pourrait être drôle. J'y avais déjà été une fois, je suis rentré comme ça. C'était pour venir me chercher d'ailleurs. Ouais. Je suis rentré dans le bâtiment, je l'ai visité. Il y avait un chien, c'était cool. Non mais il est plus là. Kenza est parti. Ouais, du coup, je vais faire une petite chronique sur un film qui compte beaucoup pour moi en fait. C'est un film de mon enfance qui s'appelle Les Ninja Kids. D'accord. Ok. Voilà. Donc toi, tu seras plus film pour le coup. Plus film, ouais. On a des. On commence à en avoir beaucoup d'experts. Mais bon, on pourrait peut-être teaser une émission du coup. Peut-être. Petit clin d'œil à Galan. Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Je te laisse la présenter du coup. Le 12. Le 12. Tu sors? Non. ton émission. Ah oui, la mienne. Okay. Je crois que tu parlais d'une spéciale. Je crois que tu parlais d'une spéciale. Non, ton émission, parce que du coup, là, on a beaucoup de spécialistes de films. Du coup, je pense que t'as eu l'idée. Pourquoi pas créer une émission spéciale? Bah, ça va être une émission de cinéma qui va s'appeler Krypton. On va faire la première épisode pilote le 31 janvier. Mm-hmm. Et puis après, j'espère que ça va se lancer. Bien sûr. Il n'y a pas de raison. Trop bien. Tu nous expliques un peu le concept, peut-être? Non. Non, t'as pas envie, ok, d'accord. Okay. Tu l'as bien. Voilà. À part Charles, nous avons aussi une petite nouvelle. Une féminine. Pas une féminine. Une femme. Une féminine. Une autre, une féminine. Enfin. Mais elle est aussi féminine, pour le coup. Oui, aussi. Voilà, ça passe. Eliette. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai du mal à y faire pour tard, c'est dur. C'est dur d'être gentil. Non, je plaisante. Alors, toi, tu fais partie de l'ESCAT aussi? Oui. Si je me trompe pas. Oui. Oui, c'est Marguerite, c'est ça. Ouais, c'est... On a la moitié de l'équipe. C'est... Moi, je voulais savoir, t'as des liens de parenté avec John? Quoi? John Wick? Non. Non, pourquoi? C'est dommage. Oh non, mais. Tu t'appelles Wick? Non, ouais, dans son nom de famille, elle a Wick. Just Wick. Je trouvais ça classe. Je crois que c'était par rapport au manteau, mais non, pas du tout. Non. Non, parce que ton prénom, Eliette. C'est peu courant quand même. Non, c'est hébreu. C'est hébreu? Ah, d'accord. Oh putain, des compères bretons, ouais. On est trois maintenant. Ouais. Attention. Ah, je suis breton et italien, mais breton aussi. Ouais, bon, ça existe, ça? Moi, bah, j'ai ma sœur qui habite en Bretagne. Est-ce que ça compte? Ça peut. Ça passe, ça passe. J'ai visité la Bretagne, ça compte ou pas? Et du coup, Eliette, t'es à l'ESCAT. Et toi, je crois que tu postules, entre guillemets, pour... parce que voilà, c'est ça, entre guillemets. Pour Peck Avenger, tu aimerais faire des émissions tout le Exactement. Temps aussi. Pour parler d'art, principalement. Ça serait notre première pour parler de l'art. Ok, d'art, ok. Et parce que je pense que c'est un domaine qu'on ne connaît pas forcément, qui est assez fermé, donc ce serait cool de vous faire connaître ça. Oui. Donc toutes sortes d'art. Bon. Si vous aimez l'architecture aussi, je peux vous en parler. L'architecture, ouais, ça peut être très cool. J'adore Minecraft, ça compte. Ça je passe, peux ça en passe. Parler si tu veux, je peux te faire des petits plans. Oh le relou. Ah c'est parfait. Ouais, le relou, c'est trop bien Minecraft, tout le monde y a joué. Ouais. Et encore, je le dis mal. On trouve des points de convergence partout, bah ouais. Hein, franchement. C'est ça. Minecraft architecture. Nickel. Normal. Bah, c'est vrai, à part Minecraft, il y a quoi en architecture? Je sais pas moi. Bah, c'est comme ça qu'on commence. Hein. Ouais. Non, ouais. Voilà, c'est vrai. On va devoir parler, hein, parce qu'il y a plein de choses. Bon alors j'ai commencé, c'est bon. Non mais c'est cool du coup. Ouais. Donc une prochaine fois je vous tease un peu dans deux semaines. Voilà. D'accord. Ouais dans deux semaines par contre. Parce que tu seras pas là pour la spéciale Harry Potter. Exactement. Donc il y aura un serpentin en moins. Ça c'est plaisir. La joie. Ça c'est cadeau. Un Asie en moins. Oh. Oh, Godwin est rapidement atteint. Oui. Alors, dans cette première partie, ça va être Jolan qui va se lancer. Ouais. Et je vais vous parler de GTA RP entre autres. Ouais. Okay. Vous connaissez le concept de RP, roleplay? Oui. Tous plus ou moins. Ouais. Et ben on va l'expliquer quand même. C'est J'attendais que quelqu'un dise non, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Non. Non. Vous êtes non. méchant. Non, non, moi je connais pas. Ah, tu connais pas? Ah, c'est parfait. Ah, nickel. Alors, mais comme je suis timide, j'ai pas voulu le dire. Non, mais c'est bien. Du coup, roleplay. Faut pas hésiter. En gros, c'est tu joues à un jeu. GTA, c'est un jeu, on va dire, que. C'est un monde libre. De quoi? C'est un monde libre, tout simplement. Oui, c'est un monde libre, mais t'es une personne, oui, tu conduis des voitures. C'est assez réel, entre guillemets. Et du coup, les gens, ils se sont dit pourquoi jouer au jeu, juste au jeu? Pourquoi pas genre se mettre en situation et faire croire genre qu'on est vraiment un policier ou qu'on a vraiment un métier. On fait partie de la mafia. Voilà. Comme dans le jeu Mafia 2 d'ailleurs, qui ressemble un petit peu à GTA. Je crois que ça a été fait par le même éditeur. Non, c'est 2K, Mafia 2. Ouais. Okay. Mais c'est très semblable. 2K, ça ressemble à un nom de cuisinier. je jure, ça parle. Toque, ce sont des studios. Je crois que t'as faim, toi, là, non? Non, c'est juste que ça me parle. C'est dingue. Mais non, c'est le nouveau langage, voyons, mon... Tu es 2K, voyons. Tu es 2K. Attends, je dois avoir un bruitage pour ça. Attends, fais gaffe, c'est solide. Hein. Ah non, non, j'ai que le steak. Bah, écoute, un steak alors. Bon, un petit steak. Bah, ça vaut le steak seulement, pas plus. Hein. Eh ben, je n'ai pas de steak. Attends, c'est pour ça. C'est pour ça, tu peux le mettre maintenant. Vas-y. Steak. Il est bien. Ouais, c'est pas mon préféré. Il y en a des mieux. Ouais, il y avait ceux de cochon de bière qu'on aimait bien. Ouais. Tu les as gardés, rassure-moi. Normalement, oui, ils sont sur la salle, la tablette. T'as le scratch de Clément, si tu veux. Il y a le scratch de Clément. Ah ouais, c'est pas mal. Oh. Oula. Mais bon, du coup, tu vas nous parler de GTA 5 RP. Ouais, en RP, ouais. D'accord. Voilà. Et ça, ce sera après la musique, évidemment. Bah, bien évidemment. Après Nina Attal. Ouais. Attends. D'ailleurs, étonnamment, en faisant le conducteur, il n'y a pas de Anna Free ce soir. Ah, je suis déçu là. Ah, c'est bizarre. Mais non. C'est vrai. On arrête l'émission, je m'en. Je quitte cet établissement. Bah, c'est Théo qui va être triste. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. On a Nina Attal, c'est déjà pas mal. Oui. Alors attends, que je dise le titre. I've been a fool. C'est ça. I've been a fool. Voilà. Ouais. C'était censé être dit avec quel accent ? Je sais pas, moi. Un accent anglais. Un accent breton, voyons. Un accent franglais. Évidemment. C'est l'accent country, c'est l'accent yaourt un peu. On écoute Nina Attal, on va arrêter avec les yaourts. Ouais. 1h à 23h le jeudi sur Indestar, la pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. Exactement, j'aurais pas dit mieux. Les PK Avengers, ouais. Le jeudi de 21h à 23h sur Indestar. On va commencer avec GTA Airplay. Oui. Avec moi-même, du coup. Oui. Tout le monde connaît ce jeu ? Non ? En partie ? De nom, ouais. De nom, de nom. Ouais. Ouais. Levez la main si vous connaissez pas. Voilà, c'est fait. Ok. Alors, c'est un jeu qui est sorti. Le projet a débuté en 2008 et il est sorti en 2013. Le 5, hein. Le 5, ouais. Il a été vendu à plus de 110 millions d'exemplaires, pour vous donner une idée. Donc, c'est déjà pas mal. C'est pas de la merde. Voilà. Du coup, il y a le mode histoire qui est assez concret, qui est très beau graphiquement. Donc, moi, je l'ai terminé en 150 heures de jeu à peu près. Le jeu ? Ouais. Pas l'histoire. L'histoire, si, en 150 heures. Deux jours, 150 heures. Ouais, mais je travaillais à l'époque, du coup, j'avais pas forcément le temps de. Ouais, puis même, c'est très long quand même. Ouais, c'est long. Ouais. Ah ouais. Quand tu passes pas les cinématiques et tout. Ah non, moi, deux jours, je l'ai fini. Ah non, je passe jamais. En deux jours hein. Ah ouais, moi, une semaine, c'était bâclé. Oui, mais toi, t'avais la version concentrée, toi. Il m'a fallu deux jours et demi, j'ai torché. Ah, il a commencé à deux jours, maintenant il a deux jours et demi. Bientôt, il va être à deux semaines. En moins d'un mois, c'était fini. Mais après, il y a plein d'autres trucs à faire. Après, il y a plein d'autres trucs, il y a des quêtes annexes, un peu comme dans Skyrim. Mais c'est pratiquement infini comme univers en fait. Ouais, tu peux faire, c'est génial. Infini, non, mais tu peux t'amuser à faire des courses de voiture, écraser des gens. Écraser des gens. Ça, c'est ta grande passion. Ouais, ouais. Moi, j'adorais passer sur les trottoirs et écraser les foules. Tu es la petite mémé avec son déambulateur, bah, il y a Teddy qui passe. Il y a juste un bémol, c'est les arbres. Non, mais un jour, je pensais. Bah, les arbres, tu peux pas les écraser. Les arbres, j'ai compris. Ouais, en fait, tu prends un arbre, ça te tue ta voiture. Bah, tu prends un poteau, ça te fait tomber. Un peu pareil dans la vraie vie, non ? Non, un arbuste, ça t'arrête pas visiblement. Non, mais un arbre, oui. Je pensais un jour, en fait, quand t'es malfrat, tu t'entraînes sur GTA, en fait. En vrai, ouais. Ah ouais. Tu regardes les Sopranos. Ouais. Et du coup, moi, je voulais vous parler d'un mode en particulier, le RP, le roleplay. Du coup, on en parlait un instant. C'est le roleplay, c'est tu incarnes un personnage. Tu peux incarner la mafia, la police, enfin, c'est tellement vaste que je ne saurais pas par où commencer. Ouais, tu peux jouer au policier voleur. Je réserve le chef mafieux, moi. Ah, bah moi du coup, on va pas être dans le même camp parce que je suis caporal chef dans la gendarmerie. Sur un serveur, je suis là, j'y suis depuis 2 mois et j'ai failli mourir il y a 2 jours. Et en fait, le truc quand tu meurs, c'est que. Mais bah, il est là ce soir. Ouais, voilà, enfin dans le jeu. Mais du coup, tu dois recommencer un personnage et ça, c'est très frustrant par contre. Quand tu t'attaches au personnage, surtout. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre dessus ? Y a pas les personnages de l'histoire ? Non. En mode RP, y en a pas, malheureusement. Ah, c'est dommage. Mais parce que... c'est tellement what the fuck le mode RP. Je sais pas. Comment dire. Genre, au début, tu commences quand t'es dans la gendarmerie, par exemple. Moi, j'ai commencé en tant que cadet. Ouais. Et tu te fais allumer. C'est comme Antoine qui était stagiaire dans Actu Solide, il y va chercher le café. Bah, tu fais exactement pareil dans le roleplay. Quoi. Bah, et figure-toi, les roleplays que j'ai vus de GTA, c'est exactement ça. Je suivais un groupe de flics, en fait, ils étaient 3. Ouais. Et il y en avait un, bah, c'était le Benjamin, enfin le Troufion. Le cadet, quoi. Le cadet. Celui qui prend cher. Ouais, il prenait cher. C'est, ouais, va nous chercher des sandwichs. Du coup, il s'arrêtait dans l'épicerie. Ouais. Il faisait semblant de parler au gars qui était là. Puis il faisait semblant d'acheter ses sandwichs. Mmh. Tu ouais, l'entendais dans le micro. Et après, il revenait. Tenez, chef, un donut. Ce que tu veux. Ouais, et par contre, ce qu'il faut faire attention dans le replay, c'est que dans le mode d'histoire, il faut faire attention à cette nourriture. Faut aller. Je suis même pas sûr qu'il faut aller uriner, tu vois. Non, je crois pas. Non. Dans ça le roleplay. Dépend, non, parce qu'il y a des jeux que tu peux, visiblement. Alors. Ça dépend où tu pousses le roleplay, en fait. Ouais, mais dans celui-là, tu dois manger, tu dois boire et tu dois aussi dormir. Sinon, tu t'endors en conduisant, par exemple. Hmm. Ouais, alors que dans le jeu, tu t'en fous. Ouais, ça. Dans le jeu, tu fais ce que tu veux. Mais c'est dans le même univers, sauf que c'est pas le roleplay, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Et c'est vraiment what the fuck parce que il y a des scènes. Je suis tombé sur une scène une fois, on avait été appelé parce que t'as une radio dans la, quand t'es dans la police, oui, et ouais. t'as plusieurs codes. Donc on était appelé pour un code 6 pour un braquage. C'était des gamins qui étaient en train de braquer une banque. Genre ils avaient 12 piges, tu l'entendais au micro à la voix et tout. Tout à fait normal. Et t'essayais de raisonner comme des gamins, fait lâchez vos armes et tout. Et non, ils voulaient absolument partir avec, avec l'argent, pas. C'est ça. On veut acheter des bonbons. Et genre, ça a duré, la traque, elle a duré 1h30 avant qu'ils s'arrêtent. Et puis. Comment vous avez fait pour pas attraper des enfants? Bah, ils étaient dans une voiture. Il y a 12 ans, ils conduisaient. Ils conduisaient les enfants. Non, mais je vais t'expliquer en fin de compte, c'était mes fils et je les ai bien éduqués. Bah, on leur avait pas arrêté, ils avaient réussi à braquer 12 millions de dollars, je crois. Ah donc, ouais. Là, vous avez quel âge, 12 ans? 12 ans, ouais. Vous rigolez, mais là, récemment, je sais pas si vous avez entendu à la radio, mais il y a eu un braquage, le plus gros braquage de l'histoire de Diamant. Ah bon? Ce sont des enfants qui ont fait le coup en Allemagne. Et en fait, c'est un gang qui a demandé à des enfants de braquer Ils ont réussi, en fait, parce que justement, ce sont des enfants et qu'ils ont pu se faufiler à l'intérieur du coffre. Et ils ont ramené pour des... Je crois que c'est 1 milliard d'euros de diamants. Ils ont après revendu sur le marché noir. Ouais. Là, c'était pas mes enfants, là. Peut-être mes cousins. Mais du coup, ouais. C'est un jeu vraiment marrant parce que tu peux te retrouver dans des scènes, mais complètement what the fuck. Le roleplay, c'est un univers à découvrir. Moi, ça fait 2 mois que je suis dedans. Et apparemment, ça inspire des gens. Ça inspire des gens, mais tu peux tomber sur des enfants de 2 ans qui braquent une banque. Ouais, mais ils sont jamais fait choper, ceux-là. Ouais. Bah, nous, on a réussi à les choper. Mais ouais, ça a duré 1h30 et puis ça aurait été très très mal pour le serveur parce que du coup l'argent il tourne dans le serveur donc ouais. Ça aurait pu faire couler plein de trucs. Moi j'avais vu aussi, c'était des dealers de drogue. Des tu dealers voyais, bah ouais en fait, oui. Les flics ils se baladaient et en fait il y avait un joueur là tout seul et il s'arrêtait, enfin les flics se sont arrêtés, ouais vous faites quoi là monsieur? Bah rien, je me balade, voilà, près d'un port vous baladez, il y a personne. Ouais, j'aime bien observer la merde. Enfin, tu sais, il essayait de se défendre. Ouais. Il était hasardeux dans son jeu. Et il faisait exprès, en fait, pour montrer qu'il était louche. Et du coup, ils l'ont arrêté? Non. Non, mais du coup, ils sont partis, ils se sont éloignés. Et après, ils l'ont vu partir. Du coup, après, hop, ils sont revenus discrètement, ils l'ont suivi. Et ils ont vu qu'il a rejoint d'autres gens. Et du coup, ils ont fait style qu'ils ont pas vu les flics. Ils continuent leur conversation et on entendait, ouais, tu veux combien pour la drogue? Ils se sont fait choper. Ouais, c'est pas... Ils ont couru hein, quand même, ouais. Ils ont couru à pied, c'est assez fun. Ouais. Ils ont chopé, effectivement. Et ce qui est marrant, du coup, je voulais en revenir quand je suis rentré dans la gendarmerie dans le jeu, j'étais cadet. T'as plusieurs grades, t'as cadet, caporal, chef. J'ai un PV à faire sauter, tu peux t'en occuper? Ah non, ça va être compliqué. Quand t'es cadet, tu vas juste chercher le café en fait. Ça va être compliqué. Alors fais pas sauter. Tu fais le des photos, tu fais des photocopies aussi. Hein. Tu peux être un flic corrompu aussi. Tu photocopies ouais, la tasse de café. Vaut mieux pas en vrai. T'as des serveurs qui sont super sévères là-dessus. Ah ouais non mais c'est ça normal, fait, c'est roleplay. Ouais c'est roleplay mais en vrai c'est comment dire, faut arriver à gérer ça quoi. Si non mais c'est normal avec le café il y a des serveurs hein. Ah. Ah. Pas mal. Attends, il faut. Voilà. J'avais pas compris. Voilà. Ouais et du coup ce qui était marrant c'est que je me faisais défoncer quand j'étais cadet. Genre je faisais des conneries, je faisais fait 3 fois le tour de la gendarmerie et tu reviens. T'es un peu sado en fait. Bah ils sont un peu sado les mecs dans le jeu. Ouais. Il y en a qui sont. Non, lui, il est maso. Hein, oui, c'est, voilà, c'est voilà. Ça. Ouais, j'étais en train de réfléchir à ça, mais bon, c'est mais pas le plus grand sujet. C'est compliqué à en parler parce que faut y jouer pour comprendre et surtout regarder des vidéos sur YouTube. Il y a plein de best-of de oui, roleplay en même temps, sur Internet. Roleplay, parce en fait, que ça marche beaucoup sur Twitch en ce moment, ça explose. Il y a des gens comme Siri qui faisait ça il y a quelques années, ouais. Le YouTuber. Il a arrêté, je crois. Ouais, récemment. Il a arrêté, ouais. Ça fait penser à GDR en fait, roleplay. Ouais, en fait, c'est exactement c'est un pareil. Jeu de rôle aussi, ouais. Tu joues un rôle. Et le mieux, c'est évidemment d'y jouer. Et il y a plein de youtubeurs. À un moment, je suis passé sur le stream de TK78. Je sais pas si tu vois qui c'est. Qui ça? TheKerry78, c'est un youtubeur à 3 millions d'abonnés, je crois. Non, quelqu'un connaît des youtubeurs. Non, ouais, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. On a Elliot. Oh mon dieu, elle connaît des youtubeurs. Putain, on va avoir une spécialiste. Et du coup, j'étais calé à ce moment-là. Et ce mec-là en question, il m'avait donné un ordre. Et le mec, il est ultra connu. Et j'ai fait ok, bon bah j'y suis allé, je lui ai ramené son café et. T'aurais dit, tenez, une petite touillette si vous voulez, avec un petit nuage de lait. Et... J'avais limite envie de dire. Ah non, complique pas trop, les cadets c'est que le café. Hein. Après, c'est envie. Au-dessus, tu as le droit de ramener le nuage de lait. Mais non, c'est pour, faire, c'est pour faire le lèche-cul si c'est une grosse pointure, tu vois. Tu... Ah ouais, mais si tu rates ton nuage de lait. Hein. Et du coup, j'avais limite envie d'intégrer sa patrouille et tout parce qu'il est ultra connu. Genre, il fait 3000 viewers pendant plusieurs heures. Ah ouais, c'est pas mal. Donc, j'aurais limite pu faire de la pub pour Indestar, tu sais. Sur ta voiture, ouais, c'est ça. Et en fait, vous écoutez cette radio. mais en vrai, c'est vraiment marrant. Je me tape des barres et il faut faire attention aussi à son personnage parce que tu t'y attaches, comme disait Richard. C'est comment ton Charles, pardon. Et tu l'as appelé Richard, non ? J'ai failli, oui. Ouais. c'est pas grave. Et faut faire attention parce que tu recommences à zéro. D'accord. Et ça, c'est frustrant. Moi, ça m'est jamais arrivé. Ça fait 2 mois que j'y suis. Donc, okay. J'ai discuté avec des mecs qui étaient déjà morts et tout et qui sont du coup. Parce que ça, c'est du hors RP parce que t'as le droit de parler en hors RP dans le serveur. Ouais. Faut préciser, sinon tu te fais ban hein, direct. D'accord. Ouais, ils sont, ouais, ils sont vraiment super stricts sur les règles. Moi j'ai une petite question à vous poser. Qui a déjà joué à GTA ? Mais pas en roleplay. Oui. En levant la main, c'est bien. Ouais. Oui, vous êtes nombreux. Ok. Hein. Ah ouais, au final, ouais. Comment ? Qu'est-ce qui vous plaisait dans GTA ? Non, mieux. Quel est votre personnage préféré des trois ? Je rappelle, il y a Franklin, ouais, Trevor et Michael. Et Michael. Et Trevor, on rappelle, c'est je crois le taré là-bas. C'est Franklin parce Franklin que j'aime bien conduire avec lui. Ah, il a son spécial pour. Ouais. Moi, ouais, j'aime bien Trevor. Ouais, Trevor aussi, pareil. Trevor. Trevor. Ouais. Dimitri. Michael. Antoine. Trevor. Trevor. Elliot. Et on part sur un Trevor aussi. Ah, ah bah, Trevor pour moi c'est aussi. Trevor. Trevor, il est génial. Ouais, c'est tellement. Je l'aime. Il adore l'essence, il shoot à l'essence. Il adore les nounours. Et tu c'est sais que monsieur Cropote, il l'attache sur son 4x4. Oui, putain, je me rappelle. Ah, c'est... Ouais. C'est des bars, ce mec. Ouais, mais franchement, c'est un jeu à découvrir et il est vraiment bien. Surtout en roleplay. Ah oui, c'est ça que je voulais poser. Qui a joué en roleplay du coup non. aussi Non. Enfin, c'est, ouais. À tester en si vous avez le temps. C'est moins connu. J'ai joué en multijoueur, c'était sur la console à jouer. Ouais, multi c'est moins drôle qu'en roleplay. Là. Ah si, j'adore jouer les joueurs moi aussi. Ah moi j'aime pas ça. J'adore. T'arrives sur une map. Comme ça, fair play. Il faut pas tuer les gens. Ouais, ouais. Moi j'arrive, la dernière fois, tu te rappelles, j'étais le président du serveur. Mais... Genre, il avait 10 000 dollars sur sa tête et tout. Mais tu es un petit. Et surtout qu'il utilisait mon compte, quoi. Du coup, bah, je me retrouve avec 10 000 dollars. Ah, c'est ça. Là, j'ai rien demandé, moi. Attends, je t'ai fait gagner une voiture, attends. Oui. Ouais, mais 10 000. Ouais. Enfin, ouais. Ouais. On va passer à la suite, du coup. T'avais fini. Ouais, j'avais fini. Ouais. Alors, ouais, exactement. Surtout que c'est Marguerite, ça fait longtemps qu'elle est pas venue. On dirait que je viens jamais, c'est incroyable. C'est clair, tellement. on avait presque oublié à quoi tu ressemblais. Ah, mais pas du tout. Donc c'est à toi après. Tu vas nous présenter quelque chose. Ouais, je vous présente un film. Okay. Espagnol. C'est la première fois qu'on en présente. Viva la vida. Ouais. Non, ça c'est une musique. Non, c'est Vida la Loca. Oui, c'est vrai. Quoi ? C'est Vida la Loca, la musique. Ah, j'en sais rien, on doit pas parler de la même. Hein. Ouais. Tu vas vous parler de quel film ? Bolbert, un film de Almodovar. Ça sonne très espagnol, Bolbert. Non, tu vois ? Non. Pas du tout. D'accord. Ça sonne problème. Plutôt italien. Mm. Tu peux attester, Charles ? Plutôt espagnol, quand même. Plutôt espagnol, ouais. D'accord. Alors là, ça sera ni espagnol, ni italien. Non. Ça va être américain ou anglais, je sais pas. Oh, Avril Lavigne. Américaine ou elle est américaine. Américaine, ouais. Eh ben on va écouter un match-up de Avril Lavigne et de Panic at the Disco. It's a little complicated. T'as 6 secondes pour parler. Non, bah, surtout que tu parler. M'as pas lancé la bonne. Si, si. Non, c'est qu'en fait. Alors en fait, c'est une reprise de Waves. Je t'ai pas lancé la bonne. Non, c'est pas grave. C'est bizarre ça. Ah, c'est pas grave, on écroue. Bon. On écroue. Chaque jeudi jusqu'à 23h. PK 20h sur Indestar. Alors, je vous confirme, on a écouté Waves de Jamie Graham. C'était une reprise. Avril Lavigne, on l'écoutera après. Mmh. C'est celle qui vient. T'es posé dégoûté, j'ai l'impression. Bah, j'aime bien Avril Lavigne. Ouais. Pas toi? Oui, c'est juste, j'aime bien. Qui aime c'est celle qui joue du violon, je crois, non? Ouais, c'est ça. Elle fait du skateboard. C'est plutôt cool. Ah, mais t'es sérieux? Non. C'est... Ça, c'est Leicester. Merde, je confonds. C'est pas, non, c'est pas le même. Ah, oui, non, pas... Ah, je crois pas qu'Avril Lavigne a joué du violon. Non, hein. Je pense pas. C'était pas son style. C'était plutôt un anarchiste. Notre cher ami Théo t'en parlera beaucoup mieux que moi, je crois. Ouais, je crois que je vais me faire taper sur les doigts d'ailleurs. Je crois, si t'as écouté, t'es foutu, t'auras pas de pizza. Merde. Marguerite. De toute façon, oui. C'est ton moment. C'est mon moment. Ouais. Ah. Tu peux partir. Non. La porte est ouverte. Ok, d'accord. Eh bien, oui, écoute, je vais vous présenter donc Volpe. Un film. Volver, exactement. Qui veut dire revenir en espagnol. Ah, c'est vraiment un mot espagnol? Ouais, c'est vraiment un mot espagnol. Tu connais pas? Bah, je suis heureuse de t'apprendre un truc. En vrai, j'ai envie de l'écrire Bolbert, B-O-L-E-R-T. Non, tu prononces les V comme des bœufs. Non, V-E-R à la fin, si t'es pressé. Ok. Voilà. Je vais continuer, je me tape mes délires tout seul. On est habitué, écoute, ça va, franchement. Ouais, donc c'est un film de 2006, donc une comédie dramatique. Et pas un petit film parce qu'il a quand même gagné 13 prix et 21 nominations. Donc, c'est beaucoup. C'est pas mal, faut avouer. D'accord. Genre, t'as par exemple l'Oscar de la meilleure actrice, t'as Penélope Cruz qui joue dedans. Très fort. Je connais. Tu connais ah, ouais. Oh, tu l'as vu dans quel film? Je sais pas, mais je la connais. C'est bien déjà. Moi, je l'ai vu dans Bandidas. C'est quand même une grande actrice. Dans Bandidas, un truc comme ça. Ouais, Bandidas, oui. Desperado. Et dans. Comment il s'appelle le film là, Tomb Raider. Ouais, c'est Tomb Raider, je crois. Elle a pas fait un film Tomb Raider? Penélope Cruz. Non. C'est pas Angelina Jolie. Ah non, c'est Angelina Jolie, c'est pas la même. C'est pas genre pas la même chose. Quoi? Tu pensais à laquelle, Galen, toi? De quoi? Tu l'as vu? Non, le film. Oui. Il y a Desperado, je crois, avec Antonio. Elle a pas mal joué avec Tom Cruise aussi, son ex-mari. Bah, ouais, je savais même pas qu'ils étaient ensemble. Non, mais ils sont. Ouais, ils sont. Ouais. Enfin, ils... Ah, on entend plus. C'est pas la même écriture. Ah mince, c'est pas la même écriture, mais ils étaient mariés. On entend pas. Hein? On entend pas Daniel. Ah ouais? Ouais. Peut-être que son micro est éteint. Ouais. Vérifie s'il si marche bien. Non, mais ça, c'était non. Pour me. C'était mais pour on l'entend quand même bien. Ouais. C'est dingue. Ah, peut-être que les piles sont HS. Bon, on va les changer. Bon, bah écoutez, on lui a changé les piles tout à l'heure. Super. Plus fort. Parfait. On l'entend toujours, c'est parfait. Bon, pour revenir au film. Donc, c'est de Pedro Almodovar, que vous connaissez. Vous avez dû en entendre parler, je pense. Non, d'accord. Si. Il s'appelle Pedro. Si, oui, quand même. Donc, non. Pedro. Il marche. Je connais aucun Pedro. C'est... Non, mais s'il n'est pas boulanger... S'il est pas... Teddy ne connaît pas. Oui, alors s'il n'a pas fait de jeu. Non, c'est un... Il a fait quoi comme d'autres films? Il a fait La Piel Cabito. Talon aiguille. Talon aiguille, et oui, c'est bien. Tu connais, t'as tes références et tout. Tout sur ma mère aussi. Oh, mais il triche, la mauvaise, oui, c'est vrai. La mauvaise éducation. D'ailleurs, il me semble que tu le connais bien, ouais. Galen. Oui. Ouais. La mauvaise éducation. Ouais, j'ai travaillé sur lui en terminale pour le bac. Le bac de ciné. Ça, c'est moi, la mauvaise éducation. Je présentais 4 films et je parlais de sa vie. Ouais, donc voilà. Tu le connais bien, ok. Et donc pour vous expliquer un petit peu le film, en gros, donc Bolbert, en fait, c'est une histoire de femme, une histoire de famille, mm-hmm. et une histoire de fantôme aussi. Ouh. Donc alors je vous fais un petit pitch. Donc deux sœurs ont refait leur vie après la mort de leur mère, tandis que Raimunda, donc qui est jouée par Penélope Cruz, s'occupe de sa fille Paola et semble tourner vers l'avenir. Sa sœur Sol, qui est donc jouée par Lola Dueñas, qui est une super actrice espagnole d'ailleurs, d'accord. et elle est encore hantée par le fantôme des souvenirs. C'est-à-dire qu'elle est encore hantée par sa mère. Et c'est chaud. C'est un super film. C'est faut dire que c'est genre bon, c'est un de mes films préférés. Il est il est très très cool. Vraiment, je vous conseille de le regarder. Il est très cool. Même en d'autres fait, films d'Almodovar, hein, parce que c'est toujours plein de couleurs. Très poétique, Almodovar. On a tellement de soirées à faire pour avec tellement de films à regarder. Ah mais avec grand plaisir. On n'aura pas cette soirée. C'est ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Moi, ouais, franchement, c'est juste un film que je vous conseille parce que déjà esthétiquement, c'est un film qui est très beau. Comme tu disais, il est plein de couleurs. Et même Almodovar, il a une esthétique qui est très particulière, que ce soit en termes d'ambiance, de couleur. Enfin, je pourrais faire une blague de merde. Mais vas-y, fais une blague de merde. C'est espagnol, non? Tu crois que c'est espagnol en plus? Ouais, c'est espagnol. Ouais. Ouais. Bah voilà. Bah voilà, c'est de ça vient. Hein. C'est de ça vient. Non mais. Dis-moi. C'est comique ou c'est dans quel genre Non, c'est plutôt dramatique dans le genre. Ah oui, c'est autre chose. Ah, bah on va... C'est plutôt dramatique. C'est un très beau film qui prend vraiment au trip, mais ouais, c'est quand même assez triste. D'accord. ça correspond. J'ai cru que quelqu'un voulait prendre la parole. Ah. Non, j'ai entendu. J'allais encore dire une bêtise. Pas vraiment, parce que Almodovar, c'est rarement comique à ma connaissance. Ouais. C'est... D'accord. C'est pas du tout c'est pas, pour le c'est pas une critique, c'est qu'il fait des films sur la vie. Almodovar. C'est ça. Donc, c'est souvent plus sur la famille. C'est un sujet comique qui sera comique, mais c'est pas le but de ces films. C'est d'accord. Exactement ça. Ouais, okay. Souvent, c'est sur des histoires de vie, des histoires de famille. Donc c'est vrai que c'est rarement comique. Tu prends tout sur ma mère. Enfin, c'est une mère qui perd son fils. Donc c'est pareil. C'est un très beau film, mais c'est rarement très drôle, quoi. D'accord. Enfin, ouais, voilà. Mais c'est bon de le savoir. Mais franchement, c'est profondément beau, quoi. Vraiment, je vous le conseille. Ouais, ça doit être le genre de film qu'il faut regarder en premier lors d'une soirée pour pas se miner à la fin. C'est ça. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Il faut faire ça dans ces temps. D'accord. Celui-là, j'ai un son du film. Oui. Ah, bah oui. On va écouter ça. Qui est chanté par Penelope Cruz, d'ailleurs. C'est ça, oui. Ouais, ouais. Elle chante. Ouais. Elle chante d'ailleurs super bien. On va écouter ça. Pour l'instant, ça fait clap-clap. Ouais. Moi aussi, je peux le faire. Bon, alors Almodovar, c'est pas vraiment comique. Vous avez vu qu'on n'ose pas rire quand même, c'est un sujet sérieux. Donc... Vous entendez en studio. Pas beaucoup d'animation ce soir, qu'est-ce qui se passe? On n'ose plus là. Où est la corde, s'il vous plaît? Non, c'est quand même une histoire qui est assez triste. En fait, c'est une histoire entre trois femmes, dont deux sœurs. En fait, elles sont hantées par leur mère. Il y a trois générations de femmes, et elles sont hantées par leur mère. En fait, il y a le fantôme de leur mère, en fait, qui revient dans le village, et elles essayent de comprendre, en fait, si c'est réel. Ah d'accord. Je sais pas si j'étais assez. Mais t'as parlé du meurtre? Non, bah non, faut pas spoiler, attention. On ne spoil pas. Marguerite, je sais pas si je peux l'appeler par son nom. Tu peux dire les deux. Appelle-moi Mathilde. Ouais, Mathilde, ok, merci. Du coup, c'est quoi qui t'a touché dans le film? Parce que tu parles d'un point de vue complètement extérieur, mais toi, personnellement. Moi, ce qui m'a touché personnellement, déjà la relation mère-fille. Parce que puis, je me retrouve beaucoup en fait dans la relation mère-fille que Sol a avec sa mère. Parce que tu es très proche de ta mère. Ouais, je suis très très proche de ma mère. Ça, je connais comparé au film. Ça, tu sais. Et. Ouais, et puis même l'ambiance, rien que la musique, rien que le scénario est super bien écrit, je trouve. Parce que, en fait, tu découvres les personnages vraiment. Enfin, tu découvres tout le temps des trucs sur les personnages, en fait. C'est super bien mené, en fait. Moi, j'ai beaucoup aimé le film, rien pour ça. Et puis, techniquement, l'ambiance lumineuse est super. Genre, enfin. Ouais, je trouve tout super dans ce film, en fait. Elle est amoureuse de ce film. Ah, vraiment, mais je pourrais le regarder tellement de fois. Ça me donne... Et il dure combien de temps, le film? Il dure, je pourrais pas dire, je crois que c'est une heure, un peu plus d'une heure trente, je crois. Oh, ça va. Ouais, non, ça va. En fait, comme elle le regarde plusieurs fois à la suite, il dure plus de 10 heures. Exactement. T'as tout compris. L'équivalent du Seigneur des Anneaux, c'est ça. Version longue. Et puis sinon, un truc que j'aime bien avec ce film, c'est que c'est... Il est assez féministe, en fait, parce que quand il pense, je pense que Galen sera d'accord avec moi, Almodovar, en fait, a vécu parmi les femmes, donc quasiment toutes les femmes qui présentent, c'est des femmes fortes. C'est les femmes qui l'ont éduqué. C'est ça. Ouais, c'est quoi le rapport avec Galen? Ça veut dire que lui aussi, il a vécu parmi les femmes? Non, c'est parce qu'il a étudié Almodovar. Si j'en peux tout oublier, mais... Mais non, est-ce que t'as des petites infos en plus d'ailleurs? Il était jeune à l'époque. T'aurais d'autres trucs? Oui, il était jeune à l'époque, ouais, c'est pas fou. Non, ah, Almodovar, oui, quand il était jeune, il était jeune. Non, on parlait de Galen. Ah, non, il me semble que son dernier. Bon, j'ai fait le Candide, désolé. Une trilogie. De quoi? J'ai pas entendu. Il me semble que son dernier Douleur et Gloire conclut une trilogie avec deux autres. Si, je l'ai pas vu encore. Moi non plus. Ne spoil pas. Je le vois. Ne spoilez pas. Ne spoilez pas, s'il vous plaît. Mais ce que j'aime bien aimer, c'est si on lui a posé la question, est-ce que c'est un biopic sur votre vie? Il a répondu oui, non, absolument. Ah oui, si, j'avais entendu ça. C'est génial comme réponse. Ça, je trouve ça super comme réponse. Tu as faim? Oui, non, absolument. Voilà. Tu veux aller aux toilettes? Oui, non, absolument. Tu veux du café? Oui, non, absolument. Excellent. D'ailleurs, c'est avec ce film que j'ai découvert un test que vous connaissez peut-être, le test Bechdel. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Absolument pas. Alors, en nom comme ça, peut-être pas, mais il consiste en quoi, ce test? En fait, c'est un test qui vise à définir si les films, en fait, sont féministes ou pas. Ou en tout cas, s'il y a une sous-représentation féminine dans les films, en fait. Sure. Non, t'as jamais entendu ça? Jamais. Ils l'ont fait pour Star Wars. Enfin, je sais plus quel youtubeur avait fait ça, mais... Il l'avait fait pour Star Wars, il l'avait fait pour Le Seigneur des Anneaux, tu vois. Ça a pas dû être très, très bien marché, ça. bof, hein, faut avouer que genre. Ouais, bah. T'en as pas. Pas ils les font pas pour les clips de rap américain avec les femmes en bikini et alors, les grosses voitures. Je suis sûr que non. Ah, c'est non. Sûr, c'est. Ils devraient. Pas, ou alors ils le font, mais c'est tellement négatif que. Non mais il y a beaucoup de femmes dans les clips de rap américain par contre. Oui, il y a beaucoup de femmes. Oui, mais le. Le truc, c'est que t'as des. C'est pas dans le bon sens. Dans le test, t'as quand même des critères bien particuliers. Par D'accord. exemple, faut que t'aies au moins deux femmes qui soient nommées dans le film. D'accord. Faut qu'elles parlent ensemble à un moment donné dans le film. Et ouais. que si elles parlent, ce soit d'un sujet qui n'ait aucun lien avec un homme. Tchao. Ouais, et faut avouer c'est chaud. qu'il y en a pas beaucoup. On pourrait quand faire un cliché, genre ça parle de chaussures. ça ferait trop cliché en vrai. Ouais. Quelle taille les chaussures? Mais en fait, je sais pas. Je trouve qu'il n'y a pas non plus de films uniquement masculins. En fait, il y a non, forcément des ça. Hommes et des femmes. C'est pour ça que c'est quand faut même pas un le peu voir limité. En termes de masculinité ou féminité, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de gens, à mon avis, qui regardent des films en disant « Ah, il n'est pas féministe !» Ou « Lui, il est féministe ouais, !» Bah, ça. T'en as bien qui font non, le test. Hein, chose, bah, oui, pour aussi un peu te répondre, c'est que c'est pas en soi le problème. Il y a des filles, il y a des hommes dans les films. C'est juste que genre, les hommes prennent beaucoup plus de place ouais, faut, en termes de personnages. Ils sont beaucoup plus mis en avant que les ouais. femmes. Même si t'as des femmes dans le film. Et c'est souvent non, des rôles un peu. Je suis pas d'accord, il y a beaucoup de femmes. Rôles importants de femmes. Enfin, oui, si, non, mais je suis d'accord, même historiquement. Mais vraiment, c'est rare d'avoir vraiment. Mais historiquement, des... parce que non, c'est l'histoire. Mais. Mais c'est rare d'avoir Malcolm Bolbert. Ça a ouvert un débat. La libération de la femme, ça a quelques années. Enfin, quelques années en termes de. Mais c'est rare quand même qu'il y ait des films comme Bolbert qui mettent vraiment en avant que des femmes et qui rendent hommage. Ouais, c'est vrai. Il n'y a que lui, en tout cas. Non, la femme qui est forte et indépendante. Il y a 8 femmes, par exemple. Il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres, mais il y en a quand même. Mais c'est assez rare, la raison. Je pense pas qu'il y ait de clichés féminins dans ce film-là. Bah en fait, c'est que on les présente comme simplement des personnages, en fait. C'est pas juste c'est des femmes, mais c'est tu juste vois, des personnages, en fait. Ouais, maintenant, je suis sûr qu'il y a même des blockbusters qui sont féminins. Oui, mais après, il faut pas confondre, après, c'est un autre débat, et j'ai pas envie de rentrer dans la polémique, mais parfois, on a tendance aussi à mettre, on va faire ça, version femme. Je crois qu'il y avait, des blockbusters. Ah, ça, c'est... Oui, genre les Ghostbusters, les Avengers, par exemple. Ils ont fait ça. Ouais, mais après, t'es d'accord. Même Wonder Woman. Après, moi, j'ai beau être féministe, tout ce que tu veux, moi, ça m'apporte rien, en fait, de voir un film, genre, ah, regardez, on a mis des femmes. Autant faire un nouveau truc. Film avec oui, autant non, ou Ocean 8. Voilà. Non mais d'accord, mais Ocean 8. J'étais déçu. Non mais au bout d'un c'est moment, tu sais, faut pas non plus que ce soit trop compliqué parce que je sais pas, au bout d'un moment, on réclame, tu vois, qu'il y ait des femmes à l'écran. Mais là, il y a des films cas. Où il y a uniquement non, des femmes. Fait, après, et après, on dit oui, mais des histoires. Bah, c'est qu'on devrait même pas réclamer normalement de base. Ouais, déjà, bon, ça de base. Oui, mais même aussi, genre écrire des scénarios aussi pour les femmes et qui rendent hommage aux femmes et voilà quoi. Parce que souvent, on a juste à transposer, on va dire, genre un scénario fait pour les hommes et on met une femme à, tu vois, enfin. C'est un peu dommage en soi. Pourquoi pas créer de nouvelles histoires? Je sais pas si vous avez vu pour le coup Avengers Endgame. Il y a le girl power. Ouais, voilà, à un moment en fait, il y a une image. Ah, c'est un teasing. Pas une image, c'est un plan. Les cinéastes sont là. Je t'en doutais. Okay. Il y a un plan. Il y a un plan où que justement, comme tu dis, on voit toutes les héros féminines. Les héroïnes. Les héroïnes. Les héroïnes. Ah, c'est encore mieux. Tu prends de l'héroïne. Non. Ouais, c'est mon français qui est mauvais, mais ils ont toutes les héroïnes. On les voit tous sur le même plan. C'est trop badass. Et c'est un peu un teasing pour un spécial Avenger ultra féminin. Ouais. Normalement. T'es sûr ? Déjà, ouais. Il va y avoir. Ouais, ouais, ça pourrait être intéressant pour le coup. D'accord. C'est ça. Ouais, je kifferais. Moi, je suis non, fan mais au-delà du côté après, fantasme, tout ce que tu veux, ça peut après, être. Après, c'est pas vrai. Il y a tellement de sujets au cinéma différents que. Tu vois, le féminisme, c'est un sujet parmi des milliers, tu vois. Donc, on peut pas faire que des films féministes. Ah non, mais je te parle pas de ça. On peut pas faire que des films. Non, mais c'est pas parce que tu mets en avant une femme que t'es féministe. Enfin, que. Non, bien sûr. Mais vous savez quoi ? Je pense qu'il y a une émission qui va se lancer sur la radio le vendredi. Ça s'appelle Vita Conso. Ça va parler de conso, de tout ça. Et je pense qu'on va revenir dans cette émission. Mais tous. Et on va parler du féminisme. C'est on va faire une bah, pourquoi pas. Je veux trop y aller. Je vais en parler à Linda. C'est le seul cinéaste qui montre la force et l'indépendance de la femme. Mais je suis d'accord. Enfin, peut-être pas le seul, mais en tout cas, c'est celui qui. Celui qui le représente le mieux, en tout cas, c'est sûr. C'est vrai que. Et est-ce que quelqu'un a vu ce film ici ? Non. Bolver ? Oui. Bon, forcément, oui. Bien, évidemment. J'ai eu la chance de le découvrir 1, 2, 3, au Festival non. d'Angers. Ouais. Bien sûr, Antoine, c'est tu l'as vu. C'est autre chose de le voir en cinéma que chez soi. Ouais. Ouais. Même en avec un vidéoprojecteur ? Bah, si t'as un vidéoprojecteur de bonnes enceintes, oui. Il a un vidéoprojecteur. Et de bonnes enceintes. Ah, si. Incroyable, on va tous aller chez soi. Avec plaisir, vous êtes tous les bienvenus. Bah, en parlant avec une pizza et de la bière ? Ça veut dire qu'on est potes si on va chez Charles. Bah oui. Bah oui. Enfin. Eh ben, transition. On va parler d'une série. c'est Daniel qui va nous parler d'une série de, d'une bande de potes. Ah. Incroyable ces transitions, ouais. T'es dit. Ouais, j'ai c'est essayé. De mieux en mieux. J'ai comme essayé. Ici. Hein, j'ai réussi ouais. Oui, comme ici, une bande de potes. Et tu veux dire le titre parce que j'ai affaire. Ah, ouais. Oh, Big Your Mother ou en français, comment j'ai rencontré votre mère. Ta mère, comment j'ai rencontré ta mère. Ah, ça, ça, oui. Ça, je kiffe terrible. Ah, super, j'adore cette donc, série. Donc, on va parler de cette oui. série juste après Avril Lavigne avec Panic at the Disco. Ah, c'est Avril Lavigne. J'adore. Cette la fois-ci, vie. C'est sûr. Ah, ouais, là, c'est sûr. La pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. PK Avengers. Alors, c'était pas sympa ce petit Avril Lavigne qu'on n'a pas écouté parce qu'on a été bouffé de la galette. Ouais, gros sac là. D'ailleurs, je tiens à préciser, c'est Charles qui est tombé sur la galette. Sur la fève. Ah, bah, il est tombé sur la galette aussi. On aurait pas eu de galette. Il est tombé sur la galette aussi. Ouais. Elle était très bonne, dédiée encore. J'avais fait tomber une ce matin d'ailleurs, une galette. Ah, voilà, petite anecdote. Ouais, j'en fais je sais pas combien par jour, alors une. Ouais, t'en fais combien par jour à peu près alors, les fabriqués, j'en fais 80. Ouais. Et à cuire, bah j'en fais 1500 dans le mais, mois. Mais t'en fais 80, ouais. Mais avec combien de temps de retard? Aucun. Jamais de retard. C'est pas comme dans le bâtiment là, ça marche pas. Non, c'est pas comme non, la RATP aussi. Hein. Et je sais pas, on en cuit, je sais pas, une vingtaine, une trentaine. Et Jolan oui, sur les 80, on a plus les tu peux pas nous en garder. Je suis en train de les changer justement. C'est ce que j'ai fait. Je viens de me rendre compte. En ce moment, pour toutes les émissions, je ramène une galette. Parce que c'est le début de l'année, on tout se le mois plaise. De janvier. Oh, ouais, je sais pas, ça dépend. Si vous êtes, bah si pour Peck Avenger, je peux le faire. Ouais. Pour les autres, pour les autres, on va aller le faire. Ouais. De quoi? J'ai pas entendu. Pour Harry Potter aussi. Pour Harry Potter. Ah, oh. Ça fait pas très rôle. C'est Peck Avenger tout de même. Ok, galette. Ok, galette. Galette. Ça sera galette pistache grillade si vous voulez. Yes. Oh. Comme ça, on va tu faire une spécialité variant. Chaque semaine. Comme ça, on j'en ai que 3, hein, donc ça va pas aller loin. Oh, c'est pas grave. Tu fais c'est quoi les 3? Pomme, franchipane et. Pistache grillade. Ok. Pistache grillade. On n'est pas venu pour oui, parler de galette. C'est trop... Oh, c'est jamais. Non, on est venu pour les manger. Mais est-ce oui. qu'on pourrait pas faire une émission spéciale galette? Alors, une émission spéciale cuisine, mais les émissions spéciales cuisine, c'est compliqué en vrai. Parce que galette déjà, on va juste donner envie aux gens, on va leur donner faim. Ouais. On pourra c'est pas vrai. Leur expliquer les recettes parce que c'est regardez si Food Wars et puis. Ouais, voilà, la grande bouffe. J'avoue. Parce que on va avoir des orgasmes culinaires. Ouais, c'est Food Wars, c'est oh, génial. C'est trop bien. Tu l'as aimé d'ailleurs, je crois, la série. C'est que j'ai fini moi quasiment. Ah, je suis heureuse de te l'avoir conseillé vraiment. Ça m'a presque relancé un peu dans la cuisine. Je commence à aider les gens. Je fais l'épisode 24 mal, là, ou déjà. Genre de truc. Ouais, ouais okay. Et puis c'est trop drôle. Je me tape des dents. Ouais, t'as vu la. J'attends la suite. Attends, l'épisode 24 Il me semble que c'est un. Attends. Si. Ouais, non, y a pas les 24, je crois. J'ai des conneries. Parce que la dernière saison est très très bien. Attends, ouais. Mais elle est pas encore traduite en français, je crois. Ouais, tu l'as sur YouTube. La flemme. Oh, mais elle est. Oui, mais en j'ai temps, trop de choses à faire pour. Bon, on va aller chercher. Mais bon, il y a un truc qui est en français et ça, c'est très bien. Je me plante complètement, je suis à la saison 2, épisode 1. Ah, voilà. J'ai vu quoi. Je me tais. Je suis en train pas. De parler d'autre chose. Attention les oreilles, je vais causer. Vas-y, oui. Cause. Il y a un truc qui est en français justement, comme on disait. I meet your mother. Il l'a dit tout bas, il l'a dit. J'ai ouais. vu l'articuler. Vous avez peut-être pas tout entendu, mais on l'a vu sur les lèvres. C'est trop dur à dire ça. Bon, tu peux le dire en français. Comment j'ai rencontré votre mère. Alors c'est une série américaine de 9 saisons qui comprend 208 épisodes et qui est directement inspirée de l'histoire personnelle des deux créateurs. C'est qui? Carter Bayes et Ray Thomas. Est-ce que ça vous parle? C'est si bien dit. Oui. Ça vous parle vraiment les réalisateurs? Ouais, ils ont fait autre chose oui. de... Ah bon, je connais juste la série, j'ai pas été m'intéresser. Non, moi aussi, je connais que la série, ouais. mais alors... Ouais, non, mais ça se trouve, ils ont pas fait grand-chose d'autre. Je ne pourrais pas dire ce qu'ils ont fait, mais de nom, ouais, je connais. Fait exceptionnel, d'habitude, je les ai pas en DVD, mais celle-là, je l'ai en DVD. Oh. Ah. Ça montre l'intérêt, tu vois, c'est comme moi, j'achète pas de DVD, sauf les Avengers. C'est une très bonne série. C'est pour ça que je peux en causer, je l'ai vu et revu. Hein. D'accord. Alors, l'histoire, c'est commence en 2030, c'est un père de famille qui s'appelle Ted Mosby, qui raconte à ses deux enfants... Penny et Luke, comment il a rencontré leur mère. Et on ne sait pas qui c'est, sauf à la fin. Bah, et encore, je ne sais pas. Sinon, il n'y aurait pas 209, ouais. 209 saisons. 208 épisodes. Ça fait beaucoup, 209. Ça fait beaucoup, ouais. Ouais, 209 ça saisons, commence à ouais. Faire. A duré une semaine, les saisons, c'est pour ça. Ah, c'est bon. Ouais, ouais. Alors, ça commence à New York en 2005, je crois me rappeler. Ouais, c'est ça. Ça doit être ça, ouais. Si Galan le dit, Ted Mosby donc, sort de l'université, il est architecte et il est en colocation avec des amis de fac. Barney. Non, Barney, c'est dedans, pas un ami de fac. C'est pas le bon. Barney, c'est un numéro, c'est... Je l'adore, c'est mon préféré. Il s'est incrusté. Ouais. Ah ouais, lui, c'est extraordinaire. Barney. C'est une source d'inspiration pour moi. Ouais. Ouais. À ce point-là. Il est donc avec Marshall Erickson, ah, qui va se marier avec Lily Aldrin. Voilà. Et Barney Stinson, alors lui, c'est franchement le personnage complètement décalé. Je l'adore. Ah ouais. Son pyjama, je sais pas si il y a dans un épisode, on le voit en pyjama, c'est un costume en fait. Ouais, en pyjama. C'est justement ce que j'ai relevé. Donc, point particulier, il ne porte que des costumes. C'est ça, c'est génial. Sauf un ou deux cas particuliers, mais franchement, c'est très dur. Et pour dans cet épisode où il porte une chemise de nuit. Bah oui. Mais parce qu'il trouve ça confortable. Ouais. J'adore. Si, il y a ça aussi que je voulais dire. L'actrice Lily, enfin celle qui joue Lily, Allison. Elle est connue. Oui, je l'ai dans Buffy contre les vampires. Paille, Et Buffy. Ouais, je l'ai vu dans plein de. Oui, et même celui qui fait Barney Stinson. Ouais, c'est vrai, il est connu. Neil Patrick Harris. C'est Neil Patrick Harris, il est quand même un peu moins connu. Mais il est. Il a joué dans les Schtroumpfs. Dans les Schtroumpfs, tu sais ça. Et dans le film des Schtroumpfs. La sitcom Dr. Horrible. Ouais, c'est ça. Sur Netflix d'ailleurs. Vous en voulez une anecdote assez sympa sur lui ? Vas-y, sors-nous en. Alors, il y a un de ses fans, il était vachement fan de cet acteur et il a envoyé tous les jours des messages en disant ouais, si tu viens pas manger au resto avec moi, je mange des photos de toi tous les jours. Et il l'a fait pendant un mois jusqu'à temps. Ouais. Pendant un mois, il mangeait des photos de l'acteur. Ah, oh, c'est chaud. C'est chaud. Je l'ai passé dans Actu Solide celle-là. Ah, bah, j'ai au niveau de la digestion. Et la digestion, ça se passait bien. Ben ouais, c'est avec du papier. Enfin, il y a un peu d'or quoi avec la photo. Mais au bout d'un mois, il a vu que ça marchait pas et il a arrêté. Voilà. Il a jamais répondu, l'acteur. Évidemment. Peut-être que les toilettes, il faisait des portraits de Barney Stinson. Pas Barney, Marshall. Marshall. Ouais, il était fan de Marshall. Même pas de Barney, tu vois. Marshall. D'accord. Et t'as pas de recette de cuisine avec les photos, non? Si on parlait de cuisine, tu mangeais les photos. Faut pas me prendre au mot. si, sur les gâteaux, tu peux faire des imprimés photos. Ah oui, Et voilà. Ouais, ah boum. Je me suis fait, ouais. Bravo, Teddy. Revenons sur Aouf. Au bassement, parce que j'ai du mal à me relever, mais je m'incline. On n'est pas obligé de s'incliner dans le cas. Alors, il y a un cinquième personnage dans cette bande d'amis. Non, on va pas s'incliner quand même. C'est Robin, une canadienne. Une canadienne. Charbatsky. Oui. Ouais. La journaliste canadienne. Ouais. Présentatrice vedette du journal de Metro News One, qui a peut-être un ou deux auditeurs. Peut-être. Hein. Bah, c'est à 4h du match, je crois, qu'elle passe dans la nuit. Donc, Ça passe comme un autre, on pense qu'on a. D'ailleurs, il y a un jeu concours parce qu'elle a une manie. Et elle a un tic de langage. Et elle apprend que certaines personnes boivent un verre à ce moment-là. Ils font des paris, c'est ça. Et elle fait exprès, mais... Pour les étudiants, c'est génial. Alors, à chaque fois qu'elle fait son tic, dès qu'elle l'a découvert, elle en profite. Elle dit plein de fois, comme ça, les étudiants qui se bourrent la gueule, ils sont défoncés. Et la scène dans le bar de McLaren, qui est le bar où ils se retrouvent tous. Et on les voit à des étudiants qui dit à, je crois, Ted Mosby, eh oui, mon pauvre, on est obligé de boire, c'est la règle du jeu. C'est comme le titre, ça. Genre le truc. Même concept à l'heure. Voilà. C'est génial. Alors, on pourrait... Ah, il y a une petite chose quand même, une particularité que j'ai notée. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le générique. Il est ultra court, il dure 14 secondes. Ah oui. C'est pas rien. Bon, après, il est étendu sur la présentation, sur le nom des personnages, sur le nom des réalisateurs. Dans le micro. Mais. Ouais. Il y a un réalisateur dans le micro, moi j'ai pas vu. Non, mais je. Oh, c'est qui fait la gestuelle avec. C'est toujours c'est un court, peu hein, 14 secondes. Alors, je suis obligé de faire. Voilà, c'est ça. Bon, c'est vous l'avez pas vu, savoir, dommage. C'est dommage. J'en étais où ? Ah oui, le générique. Et donc, il dure 14 secondes où il y a des images vraiment qui correspondent aux soirées de la bande d'amis et qui sont disposées comme si on avait un peu l'impression d'être parmi la soirée, peut-être même de voyager, de se promener dans la soirée. Ça, c'est un concept un peu, je dirais, dans à peu près beaucoup de trucs comme ça, genre Big Bang Theory, tu vois, aussi, tu es dans le salon, tu as l'impression de faire partie de leur bande, un peu comme... Mais là, 14 secondes, le temps de dire « Ah, oh, Meet Your Mother », ça y est, pratiquement, j'ai Voilà, c'est ça. C'est à peu près ça. C'est moi qui ai fait le générique. C'est peut-être le but, ça. Alors, il y a aussi un autre personnage que j'aime beaucoup, qu'on voit très peu, c'est le chauffeur de taxi qui est originaire du Bangladesh, Ranjit. On le voit pas souvent, mais franchement, à chaque fois qu'on le voit, c'est super drôle quand on le voit. C'est du délire. Et il est toujours dans les. C'est le running gag, quoi. Voilà. Un peu comme les interventions. Pourquoi il est comment ? C'est ça, ouais, c'est le running gag. Les interventions. Comme on dit en français, le fil rouge du film, c'est. On le voit pas souvent, mais franchement, c'est un personnage secondaire, même peut-être même tertiaire. D'accord. Il est important. C'est qui ton personnage préféré, si t'en as un ? Franchement, je crois que c'est Barney. C'est pas mal. Derrière, c'est Robin. On devrait peut-être faire un petit tour de studio. Qui préfère quel personnage ? Allons-y, Jolan. Barney. Au moins, Barney aussi. Marshall. Marshall. Oh, Barney. J'ai tellement de gifs avec lui. Barney. Barney. Ah ouais, c'est vrai ? Bon, alors, dit Barney. C'est parce qu'elle est serpentin. Tu sors. Je te l'ai dit, ça va tuer toute ta vie. T'es marqué à vie. Moi, c'est pareil, j'ai pas vu la série. Bon, il dit Barney aussi. Toi, heureusement que tu prends la porte. Daniel, tu parlais un peu des carrières des autres acteurs comme Neil Patrick Harris, mais une qui a une bonne carrière, c'est celle qui joue Robin, Kobe Smulders, qu'on retrouve dans Marvel. Oui, c'est, elle joue Maria Hill. Hill aux côtés de Samuel Jackson. De Nick Fury, ouais. Oui, c'est exact. Depuis, on la voit, elle n'était pas très très connue, elle était moins connue à l'époque qu'Alison Hannigan, mais depuis, on la voit en effet dans les films Avengers. Elle a une bonne présence à l'écran d'ailleurs, je trouve. Ouais. Dans les Avengers, ouais. Mais c'est dommage, elle n'est pas. Bah, elle disparaît après. Enfin, elle est dans le dernier Spider-Man. Pas beaucoup. Mais je l'ai pas vu encore. Moi non plus. Je sais même pas si quand elle a claqué des doigts. A disparu ou pas. Si, elle a disparu quand elle claque des doigts. Si, ça y est, ça va me revenir. À la fin de Ant-Man. Oui. Alors, il y a aussi quand même des effets de langage que j'aime beaucoup dans cette série. Alors, il parle de ses enfants qui sont adolescents. Oui. Donc, il fait attention à ce qu'il dit. Oui. Et puis alors, au lieu de dire, par exemple, qu'il fume un joint, il mange un sandwich. Je crois que Combini a repris ça. Ah, d'accord. Ah ouais. Quand il dit quelque chose, mais à l'image, on voit autre chose, en fait. On les voit vraiment manger des sandwichs, mais en fait, il fume. Ça signifie ça. Mais même dans les films, tu retrouves souvent ça. Oui, il mange réellement des sandwichs dans la série, quand il dit. Et puis bah là, on a mangé un sandwich. D'accord. Ouais, Combini, ils ont repris ça, ça s'appelle Interview Sandwich. Ah oui, c'est trop bien ça. Ouais, mais en fait, je pense que c'est ça, ils parlent de leur premier joint ou des trucs comme ça. Ah, c'est possible. D'accord. Après l'interview popcorn. D'accord, donc maintenant on sait que c'est un mot de passe quand on parle de sandwich. Oui. Ok, si tu manges un sandwich. Allez, on fait une soirée sandwich. Allez. Ce qui est drôle et ce qui est pas raccord, c'est que quand ils mangent des sandwichs, ils sont complètement pétés, quoi. Ah, c'est bizarre. C'est quand même étrange, on se demande. Je fais une précision. Ah, pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu. Ah non, vas-y, je t'en prie. Moi, je voulais juste te faire une précision. Chez Indestar, on ne fait pas de soirée sandwich, mais pizza. Oui, ouais, c'est vrai. Ah, mais au joint, par contre. Ça signifie. Mais que signifie pizza ? Pizza, ça signifie. Hachiche. Hachiche kebab. Ah, d'accord. Oh putain, j'y étais pas. C'est pas grave. Il est parti, Jean. Ouais. Daniel. Je sais pas si je vous ai donné maintenant envie, surtout pour les deux qui connaissent pas, de pas regarder la série. J'ai même les DVD. C'est surtout niveau montage, c'est incroyable. Ouais. Ah, alors, ouais. Tu trouves ? Ouais, si. Oui. C'est quelque chose de dingue. Alors, justement, au niveau montage, il y a une précision qui est quand même importante. Alors, il y a beaucoup de gens qui l'ont comparé à Friends. Alors, c'est vrai que c'est l'histoire d'une bande de copains. Dans le concept, dans la base, on va dire. Voilà. Mais par contre, ce qui est extraordinaire dans How I Met Your Mother, c'est que finalement l'histoire ne se suit pas. Les épisodes, il peut y avoir des flashbacks. Même à la fin de l'épisode, ah bah non, je me suis trompé, c'était pas ce jour-là. Mais c'est cool, c'est un peu la vraie vie finalement. Mais oui, même... c'est un peu cool. Mélange de la vraie vie, des souvenirs qui se mélangent. En termes de niveau montage, quand ils arrivent à la fin de la, je sais pas, saison 7-8, ils arrivent à reproduire les mêmes coupes de cheveux qu'avaient les personnages dans la saison 2, sans que ça se remarque trop. Ah ouais? Puis montage alterné, on revient dans des flashbacks, on voit ce qu'a pu faire un personnage à tel moment, et c'est tellement rapide et tellement fluide, mais c'est des génies. Ah, ça me donne envie de voir les autres saisons. De combien de temps, c'est une sitcom ? C'est 20 minutes ? Ouais, 22 minutes, oui. 22 minutes. Moi, j'ai une question. On peut les retrouver sur Netflix ? Juste, je crois pas qu'elle soit sur Netflix. Ah si, moi je l'ai vu sur Netflix, mais je sais pas si elle y est encore. Alors je... Si tu dis sur la télé ? Sur Comedy Central, sur NT1 normalement. Ouais, mais voilà. Le problème, c'est que là, en gros, tu parles de la télé, un concept, quoi. plus beaucoup de gens regardent en vrai. Oui, c'est vrai. Moi j'ai même pas de box alors. Il y a que le troisième âge qui. La télé, ouais, il y a plus beaucoup de gens qui regardent. Il y a que Michel Drucker aussi. Moi j'avais une question pour Edith. T'as parlé de sitcom. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot? C'est un format. Alors j'ai peur de dire la vérité, mais c'est un format de série. En gros, c'est des. En fait, en gros, c'est des épisodes de 20 minutes. Tu vois, Big Bang Theory, c'est un sitcom. The Good Place, par exemple. Je sais pas si vous avez vu The Good Place. Ouais, c'est une série très bonne. Bien d'ailleurs. Ouais, qui est vraiment très bien. Ou Santa Clarita Diet. Comment? Santa Clarita Diet. Ouais, bah exactement. T'as Friends aussi qui est dans ce même truc là. T'as Brooklyn Nine-Nine. Oui, oh là là, dans ce. Voilà, c'est ça une sitcom. D'accord. Ou Scrubs. Ouais, voilà, très drôle. Et souvent, c'est humoristique. Oui. Ouais, je pense que c'est urgent. Pas toujours. Non, non, non, tu vois, Scrubs, c'est une sitcom, mais ça parle de. D'amitié, d'amour, de mort. Enfin. Okay, ouais. C'est drôle, Scrubs. Oui, voilà. Ça l'est. Mais pas toujours. T'avais fini, Daniel? Oui, j'ai fini. je te demande. Sans user. Oui. Je suis fatigué maintenant. On va aller dormir. Non, on va pas aller dormir. On va écouter. Enfin, pas tout de suite. Agathe Bonin. Personne avec qui danser. Tu vois, ça c'est bien, c'est des titres en français. Voilà, c'est, pour une fois. Faut promouvoir les titres en français en vrai. Bah, personne avec qui danser, bah, va te coucher. Oh, quel violon. Oh, la violence. Enfin, nous, on va aller manger un sandwich. Non, une pizza. J'espère que quelqu'un ne nous a pas écouté en vrai. Une galette. Peck Avenger sur Indestar, c'est mieux que le jeu vidéo E.T. sur Atari. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les Peck Avengers. J'avais oublié ces petits jingles sympas. C'est incroyable. C'est mieux que E.T. Le jeu. Ah, j'ai proposé à Yann d'en faire. Est-ce que je te fais réécouter le jingle? T'as pas entendu peut-être? Ah ouais, mais vas-y, refais. Allez, je vais péter. Peck Avenger sur Indestar, c'est mieux que le jeu vidéo E.T. sur Atari. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les Peck Avengers. Si ça se trouve, Charles, tu connais. Ça veut tout dire. Est-ce que t'étais un gros gamer ou est-ce que tu joues déjà tout simplement? J'étais, je demeure un gros gamer. Ah, toujours. Quand on va te parler de jeu. Tu demeures chez toi? Je demeure chez moi, tout seul pour l'instant. Et je demeure un gros gamer, ouais, toujours. Ça c'est pas. Tu joues sur quoi? Je joue sur. Alors là, en ce moment, je suis en mode rétro gaming. Là, je suis pas mal sur PS2. Non, non. Est-ce que tu joues sur une chaise, un canapé? Là, je joue pas mal sur PS2, PS3. Mais ouais. J'ai eu la PS1, 2, 3, 4. J'ai eu la Xbox One 1 Tera. J'ai S. J'ai eu la Super Nintendo. J'ai eu la Game Gear. J'ai eu la Game Boy Color. J'ai eu pas mal de consoles. Si, finalement, ouais, gamer. Ouais, comme... ouais, mais du coup, la PS5 va t'intéresser. Là, bien sûr. Ouais. Parce que tu pourras jouer aux jeux de PS4, PS3, PS1 et PS2. Je voulais voir ton avis. T'aimes bien la gueule qu'elle a ou pas? Bah écoute, j'ai vu un design, mais je sais pas si ça va être le définitif. Je pense qu'il va être le définitif. Je pense, ouais. C'est vraiment. C'est horrible. Bah, ça dépend. Après. Qu'est-ce qu'on s'en fout du design? Ouais. Enfin, du moment que ça fait des petits néons, moi je suis content. C'est vrai. C'est vrai que c'est important. Du moment que ça fonctionne. Oui, aussi. Ça aussi c'est important. D'accord. Alors dans cette joue. Du moment que je joue. Oui. Voilà. Hein, je suis content. Je suis content. Dans cette relance d'émission. On est content déjà dans cette relance. On est content d'être là. Nous sommes 5 pour le faire, c'est génial. Il n'y a pas besoin de faire grand chose de toute façon, à part de dire Peck Avenger, c'est le jeudi de 21h à 23h avec Teddy, Jolan, Guélan, Marguerite. Maintenant Charles. Et peut-être bientôt Eliette. Sans ça Antoine. Ça commence à faire du monde. Et. Comment dire, qu'est-ce qu'il faut dire? Vous pouvez nous appeler si vous avez envie pour réagir à une rubrique. Le ou si téléphone fonctionne. Un truc. Le téléphone fonctionne. Mais ça, faut pas le dire. Il a toujours fonctionné depuis le début. Oui. Ça va. Donc, vous pouvez nous appeler au 09 70 407 306. Vous pouvez aussi nous écouter en podcast si vous voulez sur une vingtaine de sites de podcast, notamment Deezer, Spotify. Non, pas Spotify. Spotify. Ah ouais. J'avais un doute. Bah, j'écoutais mes c'est les début podcasts de la rentrée, sur Spotify. Ouais, ouais. Ah bon, voilà. Mais au pire, si vous ne trouvez pas, vous allez sur indestar.fr. Ouais, ça marche. Il y a tous les podcasts qui sont diffusés. Ouais. Puis moi, je trouve plus facilement parce que sinon, il faut réfléchir. mais c'est vrai c'est pas mal pour les. Je suis abonné sur Deezer et j'ai pu retrouver des podcasts de l'émission. Facilement facilement. Ouais. Ça, c'est cool. Donc, c'est cool. C'est mieux sur. On est assez visible quand même sur les plateformes, c'est cool. Corporate. Puis normalement, on est en live Twitch aussi, si vous voulez. Mais pas ce soir. Bah, si, on est en live Twitch aussi, mais sans la caméra. Sans la caméra, on ne voit pas, du coup, vous voyez pas que j'ai fait une magnifique coiffure. Vous voyez pas tous mes bracelets, dommage. Vous voyez pas ce magnifique beau gosse. J'ai fait un effort. J'ai acheté un maillot, j'ai acheté une plaque militaire. Un pantalon, j'ai acheté tout. Non, C'est pour les tout est neuf sur moi quasiment. Hein, elle date déjà un peu celle-là. Non mais c'est pour les boulangers. Ah, c'est, non, c'est la lame de boulanger. C'est la lame de, ah, c'est la lame de boulanger. Mais non. C'est une lame de rasoir aussi, mais c'est une lame de boulanger. Ça fait un peu plaque militaire, un peu comme mon pendentif que j'ai. Les plaques militaires sont chez moi. Ouais. Les biens américaines rondes où que tu en arraches une, t'as l'autre. Quand tu meurs. C'est ça. Tout bien glauque quand tu sais ce que c'est. J'adorais moi ça. Le problème c'est qu'elles sont vieilles maintenant. Donc c'était juste ça une relance d'émission. C'est rare qu'on en fasse. Hein. Wow. Ouais, bah ouais. On est à l'heure, on en profite. Ouais. On écoute Tiffany Hallward, You Need to Calm Down. Oh la vache. Ah, oh, c'était tellement bien dit. You Need to Calm Down. Était bien. Voilà, c'est une cover. PK Avenger sur Indestar, c'est mieux que le film Les Visiteurs en Amérique. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les PK Avenger. Tu confirmes, Galen, PK Avenger, c'est mieux que Les Visiteurs en Amérique? Ah, c'est sûr. Ah, je confirme. Et est-ce que c'est mieux que ton film? Oui. Les Visiteurs? Ou ton film est mieux que... Mon film, oui, c'est vraiment mieux que Les Visiteurs, objectivement. Si je me trompe pas, tu as parlé des goodies. C'est presque, non, c'est pas autre chose. Chose. Non, les goodies, c'est pas la même chose. C'est autre chose. C'est les goodnies. Non, les goonies. Oui, les goodies. Les goodies, les goodies, c'est des trucs que tu vends c'est des en plus accessoires. C'est des petits accessoires que tu vends ouais, en c'est plus. Genre des badges Peck Avenger. Il y a un film qui s'appelle comme ça. Je crois que c'est des goodies. Non, ouais. Ça s'appelle Cooties. Ah. Il y a des goodies. Ouais, attendez. On en apprend tous les jours. Là, ça va être goodies, avec Elijah Wood. Et l'affiche est très perplexe, c'est juste une sucette. Ok. Soit. Comment on sait qu'elle est vieille? De quoi la sucette? La sucette, comment on sait qu'elle est vieille? Elle est quoi? Vieille. Vieille. Ah non, il y a des poils dessus, je crois. Non, quand non. Le papier. À partir de là qu'on sait. Quand le papier colle à la sucette. Oh. Ouais. J'avais une mauvaise blague à faire, mais je vais pas la faire. Non, parce que des fois, on vend des vieux bonbons. Non. Vas-y, lâche-toi, Marguerite. Non, c'est bon. Non, je pense que vous avez tous l'image en tête. Donc. Non, pas du tout, dis-nous. T'as fait quoi? Non, bah, redis ce que tu viens de dire, et puis, enfin, je sais pas, redis ce que tu viens le de dire. Le papier colle à la sucette. Voilà, c'est tout. Les choupa choups, c'est bon. Toi, tu t'es fait un titre dans la tête. Voilà. Et t'as pas voulu le dire, t'as ce nous, on non, est nous, j'ai pas envie. C'est le nouveau titre de ta sextape. Bah, titre, si vous voulez, je vais l'expliquer ce que c'est, on va dire, en léger détail, le lundi. Je vais expliquer des expressions comme ça, genre, tu vas parler d'épitaphe, titre. Lundi dernier, épitaphe, c'est mon préféré. Épitaphe, c'est mon préféré. Je l'ai découvert, c'est comment sympa. Comment t'as dit? Tu te connaissais pas? Non. Oh, c'est si bien. Je savais pas épitaphe. Ce que c'était déjà. Épitaphe, ouais. En gros, c'est une phrase que tu pourrais dire, que tu pourrais mettre sur ta tombe, en fait. Sur ta pierre tombale. Ah, ok. Ah, c'est glauque. Genre personne ne meurt d'un rhume. Oui, mais c'est quelque chose, voilà. Ah, ok. Mais c'est, en général, c'est des expressions drôles, en fait. C'est excellent. C'est le nom d'un Normand dans Astérix et les Normands. Ah ouais? Il y en a un qui s'appelle Olaf et Pita. Ouais. Il y a Grosse Baffe, le chef. C'est pas faux. D'accord. Donc, Les Goonies, un film sorti en 1984. De base, c'est parti de là quand même. Donc, oui, Les Goonies, un film sorti en 1984, réalisé par Richard Donner. C'est une aventure, une comédie qui dure 1h55. Elle est produite par Amblin Entertainment. Donc, qui dit Amblin Entertainment, bah, y a Steven Spielberg qui est derrière. Et bien sûr, la productrice Kathleen Kennedy. Donc ce casting, on retrouve tout d'abord Sean Astin qui fait Mickey, donc lui on le connaît parce qu'il joue dans Le Seigneur des Anneaux, il joue Sam Gamgee. Donc California. Ah oh, oui, j'adore cette... Sam Gamgee. On a Josh Brolin qui joue Brandt, le grand frère, qui est très connu parce qu'il joue dans Avengers et Deadpool 2. Quoi? Oui, il joue Thanos et puis il joue Cable dans Deadpool. Ah oui, ah ouais, putain. Voilà. Faut le savoir, lui il est déguisé. Mmh. On a Corey Feldman, dit Bagou, qu'on peut retrouver dans les Gremlins ou dans le superbe beau film Stand By Me. Pour jouer Choco, on a Jeff Cohen et en tout dernier, on a Jonathan Kikwan qui joue Data, qu'on retrouve en 2001 dans Indiana Jones et le Temple Maudit. Voilà. Alors que leur maison du quartier des Goons Dock vont être prochainement saisies et qu'ils pensent leur dernier jour ensemble, quatre adolescents, Mickey, Brandt, Bagou, Choco et Data, découvrent dans un grenier une carte dessinée par le célèbre pirate Willy Le Borgne. Sans la moindre hésitation et se laissant porter par un rêve fou, ils décident de retrouver le trésor qui pourra ainsi redresser la situation financière de leurs parents. Leur enquête les conduit tout droit dans un bouche hanté par un trio de truands. Un bouche hanté? Ouais. Un bouche hanté? Oui, c'est quoi? Ouais, c'est une maison. C'est une baraque abandonnée qui, ouais. qui rien était à voir restaurant. Avec George Bush. Ok. J'y ai pensé. Donc, cette blague est proscrite. Un trio de truands qui. Il y a Jack Fratelli et ses compères, donc c'est le frère Fratelli et la mère Fratelli, qui tiennent enfermés dans leur cave le dernier rejeton de la famille, un monstre hideux mais finalement tendre. qui s'appelle Sinoc. D'accord. Qui mesure plus de 2 mètres et qui est déformé. Ouais. Ah, qui est adorable. Il est très drôle. C'est pour ça qu'il s'appelle Fratellini, c'est pour faire un petit clin d'œil, c'est un cirque. Non. Non, c'est une famille italienne, c'est Il est un peu rejeté de sa famille d'ailleurs, ce mec-là. Enfin, ce qu'il est. Ouais. Oui. Pour l'aspect monstrueux. C'est ça. Justement. Moi, je vois le clin d'œil du cirque. Mais il va se lier d'amitié avec Choco. Qui est le beau. Je suis en train de penser, en tant que père. À quel moment t'appelles ton fils Choco? Non, c'est un surnom. Après, nous, on sait pas vraiment leur nom dans le film. C'est comme c'est dans quoi c'est Choco, Data. Il y a Mickey et Brandt qui sont frères. T'as Bagou, Choco et Data. Il a beaucoup de Bagou. C'est pas un plat le Bagou, genre ça me dit quelque chose. Je sais plus comment c'est en VO, mais Bagou parce que c'est celui qui parle beaucoup. D'accord. Bon, Charles, pourquoi tu fais passer des petits mots comme ça? C'est. Ah, c'est privé. C'est comme... Jaloux, t'as pas de mots doux? Non, bah, c'est comme en classe en fait. Attendez, je vais la lire à haute voix. Non. Qu'est-ce qui t'a écrit, Jolan? Non, c'est bon, j'ai compris le message. C'est pour plus tard. Quand je vais parler de. Non. Fais pas chier. On reprend. Alors, j'ai pas mal de choses à vous apprendre autour du film. Il s'étire sur 5 mois, le tournage des Goonies. Il s'est majoritairement déroulé à Astoria, là où se passe l'histoire. Encore aujourd'hui, on peut visiter la plupart des endroits emblématiques du long métrage, dont la maison familiale. Chaque année, la ville organise diverses activités pour souligner l'anniversaire de la sortie du film aux alentours du 7 juin, ça, c'est cool. Qui est déclaré depuis 2010 la journée officielle des Goonies. Bonne initiative. Ah ouais, putain, carrément. Et 5 mois, c'est un peu court, non, quand même, pour un film. Enfin, c'est court, je veux dire, c'est rapide. Ouais. Ouais. Non, j'ai une question. Moyen. Ça a été accueilli comment ce film-là? Parce que de là à ce qu'il, enfin, je veux dire, de là à ce qu'il y a une journée des Goonies. C'était en 2010 hein, que ça a été officialisé. Ok. Mais non, le film était très bien reçu, ça a fait un carton. Ok. Ouais. Alors, pour lui donner un air encore plus usé, le directeur artistique Michael Riva a sali la carte au trésor que trouvent les Goonies avec du café et son propre sang. Yes. Putain, mais qu'est-ce qui est glauque, c'était. Mais... Voilà. Tu veux une anecdote encore plus glauque de tournage? Tu vois le film Carrie ou pas? Oui. Ouais, vous voyez, c'est genre... du vrai sang de porc. Non, c'est pas du vrai sang de porc, mais l'actrice voulait que ce soit du vrai sang de porc en fait, pour se mettre. En fait, c'est une scène, si tu veux, où t'as du sang qui lui tombe dessus. Mmh. Et en fait, l'actrice voulait, pour se mettre dans le rôle, qu'on lui verse du vrai sang sur elle. Mais d'après mes sources, je crois que c'est vraiment du sang de porc. Ah, t'es sûr? Ouais, je pense. Ah, oui, il semble. Ouais. Ah, bah, si vous le dites. Et à la fin du tournage, on a permis à l'acteur Sean Astin de rapporter l'accessoire chez lui. Mais quelques années plus tard, en faisant le ménage dans sa chambre, sa mère jeta la précieuse carte aux poubelles en pensant avoir affaire à un vieux dessin malpropre. Oh non. Chez. Comme dirait Thomas, chez. Voilà. On n'a pas encore chez. Ah, il faut qu'on le prenne. Mais la cabine d'enregistrement d'Yann vient tout juste d'être montée. Et je l'ai même baptisée. Oui, yes. Tu l'as. Elle est très très bien, oui. Non. Elle a marqué son territoire. Exactement. Les astronautes. Non, elle est très très cool. Qui dit Willy Le Borne dit bateau pirate. Et le bateau, il est calqué sur celui d'Errol Flynn dans The Sea Hawk, un film de pirates des années 40. Et il a fallu 2 mois et demi pour construire le navire. Sur les 5 mois ou avant? Non, bien avant. En avant, évidemment. D'une longueur de 105 pieds. À elle seule, les voiles ont nécessité plus de 7000 pieds carrés de tissu. Ah, vache. Et la production a offert le bateau à plusieurs parcs d'amusement après le tournage. Mais comme personne n'en voulait, il a finalement été détruit. Ce qui est bien dommage. C'est dommage. Le boulot qui a été fait dessus, c'est dommage. Hein. Ouais, tu dois être vachement triste. Pour ceux qui l'ont construit, Alors qu'il l'aurait gardé jusqu'à maintenant, je suis sûr que ça serait vendu super cher. Voilà, ça serait une relique. C'est ça. Collector. Alors, le réalisateur Richard Donner a fait preuve de ruse pour obtenir des performances convaincantes de ses jeunes acteurs. Il les a tenus à l'écart du plateau où le navire de Willy Le Borne était construit, par exemple, et au moment de filmer la scène où ils découvrent l'imposant bateau, leur émerveillement n'est... Oh putain, j'y arrive pas. Tu vas y arriver. Leur émerveillement n'était donc pas fin, puisqu'ils le voyaient pour la première fois. Ouais, ils font ça dans d'autres films aussi, surtout les films d'horreur. Ils disent pas tout ce qui se passe comme ça, c'est vraiment des vraies réactions. Par exemple, t'as le dernier ça... ils n'avaient pas vu la créature. Tu sais, il y a un moment donné, la première fois qu'ils le voient sur le vidéoprojecteur, les acteurs ne l'avaient pas encore vu, en fait. Ah, d'accord. C'est la surprise. Du coup, c'est la vraie réaction, en fait. Comme dans le film Alien, je crois. C'est ça. Très célèbre. Ou qu'ils sont devant, ou qu'ils sortent du ventre, et en fait, ils n'étaient pas au courant. Mais c'est vachement bien, ça. Ouais. Bah, t'as une vraie réaction. Ça dépend. Traumatisme, c'est sympa. T'as pas les coupes. Alors, les cardiologues s'en réjouissent, mais... Ça leur fait du tap, c'est bien. Excellent. Pour interpréter Sinoc, le gentil monstre des Goonies, Richard Donner a fait appel à un véritable costaud, soit l'ancienne étoile des Raiders de Los Angeles, John Matuszak. Le footballeur porte d'ailleurs le chandail de son équipe dans le film. Mmh. Il fallait 5 heures par jour pour appliquer son maquillage et l'œil mécanique du côté difforme de son visage était actionné par télécommande. 5 heures, ça va encore. 5 heures de maquillage, c'est beaucoup, quand même par jour. C'est long. Il y a plus, hein, mais 5 heures, c'est déjà pas mal. Le mec dans Les Gardiens de la Galaxie, Dave Bautista, lequel ? Drax. Ah oui. Il mettait beaucoup de temps aussi lui pendant. Bah ouais, il avait des reliefs sur son corps, il avait beaucoup de peinture. Mmh. Ouais. Et puis il est large. il y a plus de surface. J'adore la faire celle-là. Lors d'une entrevue avec Richard Donner l'an dernier, on apprenait que Spielberg avait une idée de scénario pour la suite des Goonies et que plusieurs des acteurs originaux avaient manifesté de l'intérêt pour reprendre les personnages. Ça, c'est cool. Verra-t-on la bande d'amis, devenus adultes, dans une nouvelle aventure ? Il semblerait que 30 ans plus tard, un Goonies 2 n'ait jamais été aussi près de devenir réalité. Peut-être pour ça qu'ils l'ont mis sur Netflix et que ça revient au goût du jour. Mmh. Trop bien. C'est possible. Peut-être. En plus, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Justement. Ouais. T'en as pensé quoi ? Je me suis marré. Film d'aventure. En vrai, je me suis marré pendant tout le film. Il y a un excellent moment où il y a Choco qui se fait avoir par les fratelli. Ah oui. Et ils lui disent tu vas nous raconter toute ton histoire. Et lui, il raconte toute sa vie. ils en peuvent plus. À un moment, il raconte sa connerie qu'il a fait dans un cinéma. Il dit qu'il est parti avec une bouteille de faux vomi. Et qu'à un moment, quand il est sur le balcon, il fait un bruit dégueulasse. Et il vide la bouteille. Et après, tout le monde a commencé à vomir dans la salle. Voilà. Excellent. Et une fois, il dit que... Pardon, ça, j'y pense, mais ça me fait rire. C'est que. Il dit qu'il a poussé sa sœur Heidi dans les escaliers, il a fait porter la faute sur le chien. Ah oui. Voilà. Passage, il est petit. C'est pas mal. Canaillou, ce Choco. Donc, c'est un film. C'est un genre de pareil. Truc. Hein. Ah non, mais juste ce moment est excellent. Qui me fait beaucoup rire. Puis, il a une de ses bouilles aussi, Choco. Mmh. Et puis, par exemple, il y a Bagou qui lui dit avant de rentrer chez Mickey tu dois faire le bouffi bouffon. Donc en gros, il soulève son t-shirt puis il remue sa graisse. Ah d'accord. Voilà. Je pourrais le faire, mais j'ai pas envie. Ah, c'est dommage, on n'a pas la caméra en plus. Dommage. En fait, je l'ai fait, mais vous l'avez pas vu. c'est dommage. Donc il devient précipitamment le film de toute une génération qui grandit avec, et c'est sûrement pour cela qu'il a promptement atteint le stade d'œuvre culte. D'accord. Donc je vais lire juste une critique d'un spectateur sur Allociné qui s'appelle On regarde quoi aujourd'hui ? Donc que ce soit les répliques cultes en passant par des jeunes acteurs irrésistibles, rien ne pourra destituer cette œuvre de son rang et des pensées de tous ceux qui l'ont connue enfant. Spielberg et Donner passent au travers de ce film un message clair pour les enfants. Vous aussi, vous pouvez vivre de grandes aventures. C'est sympa. Ouais, mais faut trouver une carte aux pirates dans son grenier. Ouais. Ça c'est chaud. Il faut avoir un bon grenier. C'est puis il y a cette fameuse scène aussi où la mère de Mickey et de Brandt engage une bonne, mais qui est espagnole. Et le seul qui sait parler espagnol, c'est Bagou. Donc il fait une traduction très approximative, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle lui dit quelque chose, lui, bah, il va le déformer en lui disant « Bah là, vous voyez, c'est là où je range les drogues, et dans le grenier, c'est là où il y a les affaires sadomaso de monsieur, donc faut pas y aller. » C'est excellent. Ouais. C'est très bien écrit, c'est très drôle. C'est un film genre familial, je pense. Ouais. 7 à 77. C'est triste, hein, c'est à 78, tu peux pas. Non. J'adore ces trucs, c'est à 77. Comme les jeux, tu sais, les jeux de société. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. T'as 78 ans, bah non, tu peux pas, t'es trop vieux, j'ai rien à foutre. Tu bois ton café tout seul dans un coin. Voilà. Ou le choco. Ou le choco. Choco. tu réfléchis à ton épitaphe. C'est ça. Ah, c'est glauque. J'adore. Bah oui, à partir de 77 ans, c'est exact. Mais ouais, genre, tu peux trouver, vraiment, tu va en regarder. J'en ai vu plein, du coup. J'étais voir. Ou encore mieux, regarde, c'est comment les Godwin Awards. Ah, c'est quoi, putain ? Les Godwin Awards, c'est un truc dans le genre. Awards. En fait, c'est les pires morts, enfin les morts les plus ridicules. Ah, les et morts les plus ridicules, c'est ouais. C'est très très drôle, les vraiment. Les épitaphes, faut y réfléchir à ce qu'on va mettre sur ça. Ah, bah oui, carrément. Moi, la seule que j'ai vue, enfin, la seule que j'ai retenue, c'est. Ouais. Apparemment, on peut pas mourir d'un rhume. Trois petits points. Il a écrit ça sur sa tombe. Enfin, c'est glauque, mais c'est marrant. C'est un bon sens humoristique, le gars. Pour finir, moi je dis que le film il est très bien noté. Par exemple, sur Allociné, à 4 sur 5 et sur IMDb, 7,8 sur 10. C'est pas mal. Ouais, quand même. Donc, il y a la cote. Ouais. Moi j'ai retrouvé, c'est les Darwin Awards. Et vraiment, allez regarder, c'est très très drôle. Genre, les Darwin Awards. Darwin Awards. C'est ce que je vous ai expliqué, c'est genre les morts les plus ridicules. La théorie de l'évolution. Oui, moi aussi j'étais en train de. Voilà. Il y a un rapport avec Darwin qui serait mort. Non, ça. Assommé par une assommé pomme. Une pomme. C'est lequel qui est Newton, ça. C'est lequel qui est mort assommé Newton. Par une tortue déjà. Il y a un putain, c'est un grec romain ou oui, je oui, sais pas. Oui, c'est oui, un grec. C'est grec romain. C'est pas Sophocle. Il passait dans l'actu solide. C'est Sophocle. Un aigle en fait. Il y a un aigle en fait, il mangeait des tortues et du coup en fait, pour briser les carapaces, il a l'habitude de les prendre avec lui et de les jeter sur les rochers. Il se les prend sur la gueule. Il est chauve. Le gars. Donc il a dû prendre pour une pierre. Ça l'a tué. Et je l'ai fait dans l'actu solide. Deux. Oh ah, Marguerite. C'est YouTube qui s'était mis tout seul. C'est pas excusez-moi. Grave. De toute façon, on va écouter une musique que tu peux trouver sur YouTube, forcément. Évidemment. C'est Nola. On ira. De Nola. Peck Avenger sur Indestar, c'est mieux que le jeu vidéo E.T. sur Atari. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les Peck Avengers. C'est du running gag ce jingle. Ouais, encore mieux que E.T. du coup. D'accord, on remet les jingles, on est comme ça dans Peck Avenger. C'est toi le jingle. Non, je ne suis pas un jingle. Mais je chante le lundi. Dans Actu Solide, si tu veux savoir. Maintenant, tu chantes le lundi dans Actu Solide. Dans Actu Solide. C'est pour ça qu'il pleut en ce moment. Problème. Dans Actu Solide, maintenant, chaque lundi. Je vais trop venir à Actu Solide. Viens. Tu viendras c'est quand déjà le lundi à 21h, 23h. Tous les lundis, on chante une chanson maintenant. Qu'on invente, on écrit les paroles et tout. Ah, mais oui, mais Yann en a parlé. Yann en a parlé. Bah oui. Ça a l'air... Et d'ailleurs, vous faites des concours un peu étranges. Oui. Pour ceux qui perdent. Il y a un truc comme ça. Ouais. Pas la momie, hein, ouais, on devait pécifier des gens. Il y avait des de flambie aussi. Concours de combat de flambie. Ça, j'ai gagné d'ailleurs. Ça a l'air tellement bien. Ouais. J'ai adoré. Moi, j'ai mangé le premier, j'ai fait vomir. J'aime pas ça. Ah, moi, j'avais mangé trois, je crois. Ouais, et t'avais mangé mon deuxième que j'ai perdu. Là, ça va être la parole à Dimitri. Oui. Attention. On n'a pas un petit roulement de tambour. Non, on n'a pas de roulement de tambour. Tu feras sans roulement de tambour. C'est la tristesse. Hein, hein, c'est la tristesse. Attends, je suis pas sûr. Non, c'est pas la tristesse. Mais tu t'es cru dans J'ai vu la lumière. Ça, c'était le petit jingle de J'ai vu la lumière. Ça veut dire que tu as commencé. Clément va pas être content. Il va appeler au copyright après. Il fait ce qu'il veut, Clément. J'ai rien à faire. On lui fait des bisous. Ouais. Dimitri, alors toi, c'est la première fois que tu viens. On vient te rencontrer. Tu es le fils de Daniel. Oui. Jusque-là, ça paraît logique. T'as quel âge ? 18 ans. Oh, t'es jeune ! C'est le plus jeune, je crois. Hein. Et pourtant, t'es gros flaquette. Mais t'es jeune quand même. Ah ouais ? Justement, je laisse, ça fait moi, je vais avoir 5 ans. Ça fait un style, c'est cool. Je me fonds dans la masse. Voilà. Et tu vas nous parler de jeux ? Oui. De catch ? Oui. Parce que tu es fan de jeux de catch. Du catch même tout court, d'ailleurs. Ah, moi, je le rejoins là-dessus. Hein. Ah ouais, mais toi, tu pars. Donc t'es encore là, toi ? Ouais, c'est vrai. Oh, excellent. Tu es fan de catch et de jeux de catch, et ouais. Tu vas nous parler de jeux de catch. Et t'as un débat entre deux jeux de catch, d'après ce que j'ai cru comprendre. Plus une comparaison. Une comparaison, d'accord. Et tu veux comparer quel jeu et quel jeu ? Alors, deux jeux, ce qui est tout à fait logique. Jusque-là, je suis. Jusque-là, ça va. Est-ce que c'est le dernier qui est sorti là ? Non, c'est pas de. Non. Ouais, t'as bien raison. C'est K19, l'avant-dernier. Parce que j'ai pas le dernier. Il est pas comparable au dernier. Non, il y a eu des grosses critiques sur le dernier. Il y aurait déjà un handicap pour lui. Ouais, et... un seul. J'ai vu des vidéos où les gars, ils essaient, tu sais, dans le catch, ils prennent souvent des échelles, des chaises, des tables. Apprends une chaise, ça bug, le personnage il est là comme ça. Après, tu le vois tourner dans tous les sens. C'est n'importe quoi et c'est trop mal fait. Et graphiquement, il est très moche. Enfin, très moche. Comparé à ce qu'on peut faire maintenant, c'est. Ah, sur le 19, il y a des personnages qui sont bien ratés aussi. Hein. Je ne les ai pas oubliés apparemment aussi. Bah, vas-y, je te laisse en parler. Alors, non, au final, je. Non, j'ai. Ah, t'es, savoir, méchant. Hein. T'es méchant, toi. Ouais. Je fais des petites blagues comme ça. Oui, il est méchant. Ouais. Ça s'appelle un vide du tâche. Oui. C'est ça. J'ai pas vu venir celui-là. C'est, c'est la première fois que je faisais en plus. Il est méchant, le monsieur. Oh, méchant. Je m'enlève mon micro. Non, mais tu peux le garder, couper aussi. Je peux te le mettre où je pense. Je sais même pas pour où commencer, du coup. Moi, c'est... Par le début. Je vais commencer par SmackDown vs Raw 2008. D'accord. Qui est toujours un jeu de catch. C'est pas changé depuis le temps. D'ailleurs. SmackDown, ils en sortent un tous les ans ? Oui, c'est une référence pour moi. C'est le premier jeu auquel j'ai joué. D'accord. Et ils en sortent un tous les ans de celui-là ? Alors, il n'y a plus de SmackDown vs Raw. Ils sont passés sur les WWE 2K. D'accord. Donc là, le dernier, c'est le WWE 2K20. L'avant-dernier, c'est le 19. D'accord. Pas aussi mieux d'ailleurs. Touquet a un très bon studio d'ailleurs. Il y a des jeux qui sont très bien. Bon, après graphiquement, je sais Putain, pas je si on peut dire pas ce développeur, ça me merde. NBA 2K, Mafia 2. C'est peut-être parce que c'est que des jeux de sport. Ah non, bah Mafia. Non, Mafia, ouais. Pourtant, je m'y connais. Graphiquement, ils sont incroyables. Ouais, c'est... Bah non. Non. Ah, pour le coup, non. Sur les... Ouais, non. À part sur le catch, peut-être, mais ouais, non. Sur le reste. C'est bizarre hein, parce que vraiment ils sont très propres hein, d'habitude. Hein. D'habitude, oui. En plus, il y a quand même une console qui est assez de bonne qualité. Ouais. C'est quand même un peu incompréhensible. Mais bon. D'accord, toi, c'est ouais, ils avaient peut-être pas le même budget parce qu'ils ont des budgets pour certains jeux qui sont plus importants que pour d'autres. Et donc, je sais pas. Je sais pas. Ils ont pas eu de chance. Dommage pour eux. Et du coup, toi, t'as commencé par le 2008. Oui, j'ai commencé par le 2008. Ouais. Et t'étais déjà fan de catch, j'imagine. Oui, j'étais déjà fan de catch. Je regardais déjà. Mm. Attends, t'as 18 ans donc là, t'avais 9 ans, genre. Si je calcule bien, ouais. Oui, à peu près. Ouais, je suis bon. Hein. Bien joué. T'es non, bon je suis pas bon, non. Non, t'avais 7 ans. Mais bon, c'est pas grave. Bon, peut-être pas si bon que ça, ouais. Calcul, au final. Non, mais tout le monde confirme en plus, là. Ah, bravo. Genre. Tu vois, ils t'ont tous donné un faux espoir. Hein. Des fois, c'est sympa, je vous dis, c'est ramené. C'est ça, c'est ça. Alors là, c'est le moment où je dois meubler. Ouais. Du coup, pas encore. Meuble, Ikea, meuble. Donc, ok, j'arrête. Je suis obligé de le faire. C'est ma marque de fabrique. J'achète tout chez Ikea. Pardon. Il est apparu sur les consoles voilà. PS2, PS3, Xbox 305. Xbox 360, oui. Et PSP, c'est la PlayStation Portable. Oui. Et la Nintendo DS. Ah, il est sorti sur DS. Oui, il est sorti sur DS, mais c'est pas le... Ouais, je pense pas que c'est une référence. Hein. Non, ouais, c'est pas une référence. Je voyais que déjà, les tombées, les mecs étaient obligés d'aller sur des forums pour trouver comment les faire. Bah voilà. Faut déjà le faire, là, en soi. Oui. D'accord. Il est sorti le 13 novembre 2007. Sur DS ? Sur toutes les plateformes. Ah, d'accord. Ok. Alors que 2K19, lui, est sorti le 9 octobre 2018 pour la version classique. Ouais. Mais les versions Deluxe et édition collector sont sorties quelques jours avant le 5 octobre 2018. D'accord. Deluxe, c'est juste parce qu'ils sont sortis légèrement avant, quoi. Oui, elles sont sorties légèrement avant et puis sur certaines éditions, t'as des petits trucs en plus. La collector, sachant que c'est la meilleure, t'as toujours des petits trucs. Genre des costumes ou. T'as pas plus de personnages ? Bah, t'as tous les personnages en avance, oui, t'as pas besoin de les débloquer, t'en as quelques-uns débloqués, mais d'accord. T'as pas besoin de les débloquer. Et c'est lequel de tes préférés, du coup, le 2008 ou celui... J'ai oublié l'année, putain. Oh, je suis mauvais. 2K19. 19. Sans problème, je mettrais le 2008, vu qu'il est largement moins buggé, puis il y a beaucoup de superstars que j'aime beaucoup dedans, qui est tout simplement présent dessus. Genre Triple H, putain, comment il s'appelle ? Triple H, Randy Orton. Randy Orton. Ouais. Les frères... John Cena. CM Punk, oui. Edge. Il y a aussi, comment il s'appelle, le celui qui fait des... Ray Mysterio. Ray Mysterio. Ouais, je l'adore, c'est mon préféré. Et les deux frères, les frères Matt et Jeff Hardy. Les frères Hardy. Les frères Hardy. Undertaker. Les Hardy Boys. Hardy Boys en équipe. Attends, on part dans des... Vas-y, on les cite tous là. Hein. Pas de problème. T'avais Ken, t'avais Undertaker, t'avais tout. Bah t'avais celui qui joue dans les Gardiens de la Galaxie aussi. Oui, Batista. Batista. Oui. Batista. Batista. T'avais The Rock, The Rock. Ouais, c'est vrai. Stone Cold Steve Austin aussi. Ouais. Donc quoi, les catcheurs, ils se recyclent après dans le cinéma. John Cena John Cena, aussi. Oui. Bah, John Cena qui a fait du cinéma maintenant. Ouais, c'est ça. Il va jouer la Fast and Furious 9, John Cena. Ouais. John Cena, il commence. Ils passent tous par Fast and Furious. The Rock, grosse carrière aussi, The Rock. Ouais. Ouais, ils font des blockbusters. D'accord. Meuble, Ikea, meuble. Ouais, par exemple. Quand il y a un blanc, je suis obligé de faire du meuble. Oui, donc, bon, comme je parlais déjà des graphismes, je vais me lancer directement dessus. Vas-y. Tant que c'est pas le 2020, moi ça me va. Non, bah. Ça va être dur de trouver plus horrible, à mon avis. Ouais. Si, Antoine. Prends ça dans tes dents. Je t'emmerde. Mais vous êtes méchant là. On t'aime bien, ou presque. Eh bien, je commence à te faire des mots d'amour, maintenant je vais te faire des mots de haine. Dit-il en partant de l'émission. Tort, toi, donc, tu suis tort. Je suis sûr que tu vas prendre beaucoup plus cher qu'ici. Bon. On en rediscutera plus tard. Ça dépend les objets qu'il y a, quoi. Ah non, c'est juste que je mets cher à tout le monde dans Actu Solide. Je suis le sniper, je tire sur tout ce qui bouge. Sans titre. Ça se voit, t'es précis d'ailleurs. Le Laurent Baffy de la radio. Mais qui est-ce? Bah, c'est un sniper. Ah merde. Alors, elle est bien du coup, bon, ce que j'ai cru comprendre. Mais je sais pas qui c'est. Il fait des très bonnes vannes, très bonnes vannes. Oui, des vannes. Alors, moi, à part clasher le QI, ah, je suis vraiment un connard. Alors, par exemple, t'as plusieurs personnages qui sont vraiment très bien ratés niveau graphisme. T'as Becky Lynch. Connais pas. Bonne catcheuse, mais disons que le visuel n'est pas là, quoi. Il y aurait pas son prénom noté, tu chercherais qui c'est. C'est bot 1, bot 2. Ouais. D'accord. T'as qui d'autre? Comment? Qui d'autre? Lacey Evans, par exemple, qui est un personnage dans les DLC. Qui est tout aussi raté. Okay. En plus, c'est une DLC. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de mal avec les personnages féminins, souvent dans les jeux vidéo. Par exemple, je vois les pop-up girls au basket, c'est une catastrophe, quoi. Parce que c'est pas le truc que t'es censé regarder en fait. mais si, parce que justement on les voit. Si. Non, mais si, parce qu'on les voit pendant la mi-temps et genre elles sont vraiment c'est... devant l'écran, on voit pas les basketteurs. Et genre c'est horrible, elles sont moches, mais elles sont horribles, tu vois. C'est pas en comme fait, ça. C'est une vraie équipe de pom-pom girls qu'ils ont filmé. Mais non, mais justement, elles sont super belles dans la vraie vie et là ça devrait pas être. Enfin, il y a des bugs alors que les joueurs de basket sont super bien faits, tu vois la transpiration, tu vois tous les détails, et puis non. Non, ça transfère pas une pop-up girl, c'est normal. Non, ils n'ont pas photoshopé, c'est pour ça. C'est ça. Le plan était raté, apparemment. Elles étaient sans maquillage, je pense, un matin. Et... Le vrai visage. Ah, ça donne une bonne image des pop-up girls. C'est clair. Mais ce sont de sacrés gymnastes quand même. Hein. Ce n'est pas qu'une plastique, il faut préciser, souligner la performance physique des filles qui font. T'as déjà fait du pop-up girl? Moi j'avais déjà fait à la gym, c'était sympa. Mais tu fais des trucs un peu comme ça à la gym, c'est cool. Ouais, moi j'adore. Ce sont avant tout des gymnastes. Ouais. Bon, après, c'est surtout les personnages féminins qui sont ratés. T'as beaucoup de personnages masculins, ils sont surtout mal faits. Par exemple, Baron Corbin. Qui est censé avoir les cheveux courts depuis très longtemps, mais qui les a toujours longs. Mais ça, j'ai remarqué ça. Il a oublié de lui passer la tondeuse, apparemment. Ouais. Un problème avec son coiffeur, peut-être. Oui, les cheveux, totalement. C'est vrai, il a plus de barbe non plus. Maintenant, c'est Roy Corbin maintenant. Oui, King Corbin. Avec une toute nouvelle musique. Ouais. Là, il se marre beaucoup avec ça à la télé avec ça. Ah oui, c'est même du délire. Hein. Ils sont partis tellement loin. Et c'est quoi que tu préfères, toi, dans les jeux de catch? Franchement, c'est les Royal Rumble que j'aime beaucoup dans. C'est quoi Royal Rumble? C'est un tournoi, non? Alors, en gros, c'est un type de match où tu peux avoir jusqu'à 30 superstars qui rentrent toutes les minutes. Sachant que le ring peut avoir jusqu'à 8 superstars. Tu joues contre 7 personnes? 7 personnes. Dans un même ring. Ah, tu dois faire passer par cette troisième corde en fait. Voilà, c'est ça, pour les éliminer. Ah, ouais, c'est cool! C'est un peu un smash, c'est un peu un super smash, mais où tu dois faire passer par deux autres une corde les autres. Tu les fais sortir de la map, entre guillemets. D'accord. Soit. Limite. Et t'as beaucoup d'objets? Parce que moi, c'est ça qui me fait délirer, moi, les objets. Surtout les what the fuck, parce que les chaises, encore, c'est trop simple. C'est trop simple, oui. Y'a pas grand chose à faire avec. T'as des masses, des escabeaux. T'as des tables, des échelles, des cannes de stick. Des cannes de stick? Oui, des cannes de stick. Il y avait des sticks. Il y en a, logiquement, il y en a toujours, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas dans le 19. Après, c'est pas, je crois que c'est par rapport aux combats que tu fais, je crois que tu peux avoir des combats dans les parkings, dans les. Je sais pas s'ils l'ont laissé ça. Peut-être dans les parkings. Je sais même pas s'il y en a dans les parkings. Je sais même pas s'ils l'ont laissé. Parce que... Le catch, c'est pas censé être sur un ring. Ouais, alors, oui, bah, mais bon. Normalement, mais bon. Tu peux te battre dans les coulisses, tu peux te battre dans les parkings, tu peux te battre dans les couloirs aussi. En fait, c'est qu'ils ont des versions no rules, donc sans règlement. Et là, des fois, ça part en vrille. D'accord. Vraiment en vrille. Ok. Et t'as un personnage préféré? Je saurais pas dire, il y en a tellement. Bah, on va dire, pas dans les jeux alors, mais dans le catch en lui-même. Même dans le catch. Même dans le catch? Il y en a plein, comme Edge par exemple. J'aime beaucoup ce catcher ski. Ouais, il va peut-être revenir. C'est pas lui qui est arbitre maintenant, ou c'est Triple H? Non, Triple H, il est directeur de la NXT. Ouais, voilà, c'est ça. Il y en a un qui est génial, c'est Hulk Hogan, quoi. Oui. Ah ouais. Il est pas mort, lui. Surtout dans les. Dans les... Bah, il y a pas longtemps, ils ont fait un match Team Colgan contre Team Flair. Ric Flair. Ah ouais. Team Flair, ouais. Ouais. Mortel. D'ailleurs, t'as la fille, je crois, de Ric Flair qui est catcheuse. Oui, Charlotte Flair. Surtout dans Rocky 3, il est pas mort. Hein? Ouais, c'est vrai qu'il joue dans un Rocky. Hein. Oui, et dans les Gremlins. Moi, je suis là. Ah ouais, ah ouais, c'est, ah ouais, c'est autre chose. Ça change. Donc, tu as raison, les catcheurs. Et dans les trois ninjas aussi. Ouais. La suite des Ninja Kids, c'est vrai. Ah, il est partout. Excellent. Ils sont partout. Il est, ils sont dans nos campagnes. Non, non. J'adore cette phrase, putain. Depuis qu'on me l'a dit, j'adore. Surtout quand je sais ce que ça veut dire. C'était bien. C'est une référence à Marine Le Pen. Ah bon? Oui. C'est dans son discours politique. Ils sont dans nos campagnes. Ils sont partout. Ah, oui. Parle. Ils nous envahissent. D'accord. Okay. C'est vrai, c'est ça. C'est okay, bah, les champs de blé, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Prendre la bourrée de la terre. On parlait de catch, on revient à Marine Le Pen. C'est fort quand même. C'est incroyable. Non, c'est toi, c'est toi. Ouais, c'est moi, c'est moi. Ah, mais j'aimerais bien un jeu de catch où tu vois, t'as Marine Le Pen, t'as Hollande, t'as Sarkozy. Ah, par contre, ça, c'est la vantage. Des hommes politiques. Peut-être, peut-être que tu peux peut-être la que trouver en téléchargement. Ça se trouve, il y a des modes, hein, ouais, comme ça. Oui, parce que par exemple, tu peux faire des matchs avec Captain America ou Iron Man en les téléchargement. Ouais, c'est cool. Ça, c'est cool. Mais bon, du coup, autant acheter Joe Avenger. Il y en a un qui va sortir d'ailleurs. Qui a été annoncé. Je sais plus comment ça. Ouais. Voilà. As-tu quelque chose à redire sur le catch? Ça a rajouté. Pratiquez-le. Arrachez des oreilles. Voilà. Faites pas ça dans la rue. Est-ce que je peux raconter un bug qui m'arrive moi sur la... Sur non. Ça dépend. Attends, il est... Ah, il est 23h09, tu fais plus partie de cette équipe officiellement. Non, l'enfoiré. C'est bon, bon, le bug. Vas-y, non, dis. C'est que j'ai joué avec c'est mon bien grand dommage. Frère. On faisait un match avec mon grand frère, tu sais, en 2 contre 2. Ouais. Et tu sais, on fait le 2 contre. Donc toi, t'as 1, 2, 3... Et normalement, ce match est fini. Ouais. Donc, toi, t'as l'arbitre, tu fais 1, 2, 3, t'as l'arbitre, il se relève, le match il continue pendant 2-3 minutes. Et tout à coup, c'est la pourquoi t'as la cloche qui sonne comme ça. Là, au bout de 2 minutes, t'as un mec des 2 minutes. On cherche à comprendre. Bon, tant pis. Ah, mais ils vont. Je sais pas ce qu'ils ont fait comme quand même encore. C'est connu pour avoir des bugs, hein, donc perso, moi, ça m'étonne même pas. Ouais. Je dirais même, c'est classique. D'accord, merci Antoine, tu peux partir. Bonne soirée à tous. Non, je plaisante. Non, non, mais attends, écoute la musique. Bonne on va écouter, toi. Je suis sûr que celle-là tu la connais pas. Bah, je te dis ce que c'est parce que sinon. C'est Ixon. Il a fait la musique Journée. Journée. C'est facile à dire. Ouais, Journée. Oh, c'est un Y. Tu l'as dit en français, je m'en fous. Oui, mais c'est en anglais. Bah, Journée. Ça va pas écorcher le nom des comme artistes. Le groupe. Le groupe Journée. Moi, oh, je sais pas, je connais pas. Comme le Dodge. Mais bon, celle-là non plus, je la connais pas, j'ai jamais entendu. Bah, on donc, écoute ça alors. Bah oui. Peck Avenger sur Indestar, c'est mieux que le manga Blue Dragon. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les Peck Avenger. On a encore le Blue Dragon. Ouais. Oh là là là. Mais je mettrai les autres la semaine prochaine. Oui, tiens, ouais. Hein. Mais comme ça, on les garde. Donc, je rappelle, on est dans Peck Avenger, évidemment. Merci. Ça va être. On savait pas. Mais non, mais c'est pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre. À 23h14. J'arrive à la fin. Il y a peut-être le frère de Mathilde. Ah, à 23h, il est chez mon petit frère là quand même. Comment c'est, je crois qu'à 23h, il dort, mais bon. Je pense, ouais. On va faire la partie actu. Donc là, je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont des trucs à dire. Oui. Alors, il y a beaucoup de choses à dire en 2020. Qui veut commencer? Ouais. J'ai cru qu'il y aurait beaucoup de gens, mais non, en fait. Eh ben non, c'est un fail. D'accord. Marguerite. Alors, moi, en fait, je voudrais faire un peu de la pub pour un copain. Qui, ça dépend. Qui est un chanteur. Joli. Non. Il est... Ça compte pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Non, en fait, c'est un chanteur qui s'appelle Dorian et ouais. Qui est surtout parolier. Bah, par exemple, il a écrit Elle me dit de Mika, Boum Boum Boum, de Mika aussi. Comment ça, il a écrit ça? Bah, c'est lui qui a écrit les paroles. Ça porte un nom, les gens qui écrivent des ouais, musiques. C'est des paroliers. C'est des paroliers. Ah merde. Voilà. C'est ça que t'avais dit, j'avais pas compris le mot avant, du coup je me suis dit, oh, d'accord. Oui, c'est pas Nagui. Bah, du coup, il est. Bah, c'est un grand. Enfin, ouais, plutôt. Quoi que Mika. Plutôt. Ouais. Mika, quoi. Allez, bam ouais, et puis, tu sais, il a écrit Non, non, non de. Comment c'est Camélia Jordana, par exemple. Ouais, tu vois, quelques musiques il comme il ça. Il aime bien répéter trois fois le mot, non? Ouais, il aime bien, ouais. C'est son petit truc, j'ai remarqué. Où t'as encore toutes les femmes de ta vie. C'est elle où ça fait bim bam boum. Non, c'est pas elle. Ça aurait pu, remarque, ça aurait pu. Attends. Oui. Les Spice Girls. Non, non. Nope. Non. Spice Girls, elles sont 5 quand même, c'est 5 filles. Toutes les femmes de ta vie en noir. Les L5. Les L5, putain. C'est ça. C'est ça. Bravo. Oh, la pression. Mais non, elle fait bien. C'est bon, je vais aller dormir tranquille. La pression, faut mieux la boire que la subir. Oh, j'avoue. Oh la vache. J'étais pas prêt là. C'était merci pas, pour cette pas corne bon de brume. Je suis désolé. Teddy. Eh, franchement, ça rendait bien quand même. Teddy, je peux juste faire une toute petite aparté, j'en ai pour 10 secondes. Oui, oui. Je voulais juste faire un petit big up à Decibel Fusion que je représente ce soir. Ça, tu pouvais attendre après. Non, mais parce que après, j'aurais pas grand chose à dire. Mais... Tu vas oublier peut-être. Ouais, je vais peut-être. Non, je vais dire après. Et en fait, donc c'est Decibel Fusion, c'est le groupe de Thomas et Arnaud, entre autres. Oui. Qui vont bientôt se produire en Touraine, et donc notamment à Tours et aux alentours, sans vilain jeu de mots. Ah, je t'en Allez, un petit doublé. et du coup, donc voilà, peut-être qu'à l'occasion, ils auront peut-être le plaisir de venir ici. Venir à Indestar et puis même envoyer leur titre, bah comme alors, ça on pourra sûr, les écouter alors, sur Indestar. Bien sûr que vous pouvez retrouver Decibel Fusion sur YouTube, Instagram et Facebook. Donc abonnez-vous à la page de Decibel Fusion. Et n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à liker sur YouTube Decibel Fusion. Voilà, comme ça se prononce en deux mots. Et voilà, merci pour tout. Merci à Indestar. Au revoir. Au revoir. Disco. Non, mais ouais, je pense qu'on les aura un jour sur Indestar, hein, vu que c'est tes copains à toi. Forcément. Bah, c'est même de ma famille. C'est même de ma famille. Donc, Encore mieux. Ouais. Voilà. Et on les aura en titre. Je veux les annoncer dans Peggy Avenger. C'est super gentil à vous. Voilà. Merci beaucoup. Et Marguerite aussi, pour le coup, ton. Dorian, c'est ça ? Dorian, oui, c'est Dorian, ça. Dorian, ben, il est pas que parolier, du coup. Non, bah c'est j'allais venir du coup. Voilà. C'est que tu regardes Charles. Oh, désolé. Du coin de l'œil. Non, c'est qu'en fait c'est qu'il sort un nouvel album solo qui s'appelle Portrait. Mais t'as aussi quelques chansons, donc notamment avec Mika, Keren, Anna, Brigitte, ouais. Catherine, tu vois. Ouais. Ouais, c'est cool. Bah lui aussi, faudrait qu'il vienne et qu'il nous envoie des musiques qu'on puisse envoyer. Qu'il nous envoie. Ouais. En français, c'est mieux. C'est mieux. Ouais. On s'en fout de mon français. Ok, cool. Je voulais faire une petite pub. Voilà, bah c'est fait. Qui d'autre a de l'actu ? Moi. Je sais qu'Eliette a un truc à dire aussi. Et là je t'ai interloqué. Non, si, t'inquiète, je sais ce que tu vas dire. Non, mais on est. Elle le regarde avec suspicion. Skellan. Oui, donc on est en 2020, donc nouvelle année, plein de nouveaux films. Ouais. Y a eu un classement qui a été fait, je peux vous en dire quelques-uns. Oh, je l'ai vu. Donc bah, y a Kaamelott, évidemment, qui est très attendu. Ouais. Le Dune de Denis Villeneuve. Ouais. Les Nouveaux Mutants pour le 1er avril, ouais, là, normalement, parce qu'il y a tellement eu de repousses pour ce film que c'est catastrophique. Ou encore Mourir peut attendre, le prochain James Bond. Et, J'ai vu une info là-dessus. L'acteur qui va jouer James Bond, c'est pas. Non, c'est toujours Daniel Craig. Oui, voilà, c'est ça. Mais en gros, normalement, oui, voilà, il s'était changé, mais au final, il reprend quand même. Ouais, mais là, c'est sa dernière fois qu'il prend le rôle. D'accord. Ah, c'est là, je crois que c'était. Bon, d'accord. Et ça, à chaque rôle, chaque nouveau film. Le prochain film de Sam Mendes, 1917, bientôt au cinéma. Oui, ça, je l'ai vu, ça. Je voulais peut-être le voir, celui-là. Bah, moi aussi. Non, je l'ai pas. Il y a du Cobu 3 aussi qui va sortir. Oui, ça je. Ouais ça non. C'est moi, après, j'aime bien moi du coup. Tu sais à qui tu parles ? Je le mets un peu de côté. Non, mais j'ai vu les bandes dessinées, c'est pour ça. Oui, d'accord. Ah. Sinon, la série The Mandalorian sera de retour à l'automne 2020 pour une saison 2. Ouais. Voilà. D'accord. Si, avec le SBA, il y a deux courts-métrages qui vont arriver. Ah bah oui ! Quitte à faire. Super court-métrage. Voilà. Eliette était l'assistante Réa. Ouais. Oui, c'est ça. Marguerite était la prod. J'étais prod, cadreuse et chef opératrice. Ah oui, t'étais cadreuse aussi. Oh, putain, ah oui, c'est ça. Ouh. C'est genre ça super important. Pour quel projet ? Pour celui où t'étais. Ah bah, ok, bah super. Charles était c'est HMC, fait. Donc c'est habilleur, ça. Maquilleuse. Maquilleur. Maquilleur, c'est oui. Pareil. Pas exactement. Pas de sexiste, t'étais maquilleuse, je m'en fous. Puis. Habillage, costumier. Ouais, c'est costumier. Ça. Et puis sinon, je souhaite un joyeux anniversaire à la série Malcolm qui a 20 ans. Ouais, oui, le premier épisode il est sorti aujourd'hui, il y a 20 ans. Hey, elle t'est très bien tournée ma phrase, je m'en fous. Moi je voulais juste souhaiter un joyeux anniversaire à Dewey parce que les autres je m'en fous un peu dans Malcolm. Oh non, pas Bryan Cranston quand même. Si, ouais, si, politique, bien. Toi, ouais. Tu vis, toi tu crèves. toi tu vis. Non papa, tu me diminues devant mes propres troupes. Excellent. Non, pour, juste je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Juste pour finir la pub pour le SVA, en fait, ouais. Comme c'est pour le Nikon Festival, vous pourrez bientôt le retrouver, le court-métrage, en fait, sur le site du Nikon. Donc n'hésitez pas à aller le voir bientôt. Janvier. Okay. Voilà. Oh. Puis, faire rapide pour une vous fois. Pouvez d'ailleurs voter, je crois, normalement. Ah bon ? Il me semble. Il n'y a pas un vote du public ? Ah bah, votez pour le SVA. Là. Bon bah, en tout cas, votez pour le SVA. Hein. Votez pour le SVA. Toujours. On vote toujours pour le SVA. Oui. Moi, info technologique, Mac va proposer un PC gaming. Voilà. Ah ouais ? Si vous avez envie de passer aux jeux vidéo sur Mac, bah, vous pourrez. en 2001. Ça sent un peu la blague. Que, je sais pas ce que ça vaudra. Moi, je vois pas le chien. À mon avis, pas grand chose. Jouer à LoL sur Mac, ça me semble bizarre un peu, tu vois. Ouais, c'est pas. Ça a jamais été réputé. Vous allez pouvoir jouer à Candy Crush. Voilà, mais c'est ce qui est proposé pour 2020. Tous les jeux mobiles sont disponibles sur ton Mac. C'est génial. Trop bien. Ok. Donc, qui d'autre avait des actus? Moi, oui. Dimitri, je te vois plus. Mais oui. Eh oui. D'accord. Pour le Culture Day, le 19 janvier. Effectivement. C'est toujours bon de le rappeler. Il y aura le lieu à Nazelles-Négron, dans, dans le centre socio-culturel. Et Indestar sera présent. Et les Peck Avengers, plus les précisément. Peck Avengers, on fera une émission spéciale en direct de là-bas. Je suis pas au courant. Et on fera, on fera un peu d'animation aussi là-bas, je crois. Oui, on fera un peu d'animation. Ouais. On s'est prévu. Enfin, un peu beaucoup. Un peu beaucoup, un peu beaucoup. Est-ce qu'on peut rappeler une nouvelle fois les dates, s'il vous plaît? Le 19 janvier. Voilà. 19 janvier, et ça commence à partir de... C'est toute la journée, normalement. Je sais même pas. Voilà, de 10h à 18h. 10h à 18h, ok. Super. C'était tout. C'était moi, juste oui. ça. C'est déjà bien. D'accord. Ok, pas de problème. Daniel. C'est juste plutôt une annonce parce que je les entends. Je recherche une voiture. Bon, comment t'as su ça que je recherche une voiture? Je les entendais parler de court-métrage. Alors il y a un festival de court-métrage là qui. Au long cours. Au long cours. Oui. Donc ils vont rechercher des figurants parce qu'il y a des scénarios qui vont demander des figurants. Oui. Alors s'il y a parmi tous les auditeurs, parmi vous les auditeurs, des gens qui veulent s'inscrire, alors bah, contactez Indestar directement. Oui, directement Indestar, contactez. Que, après moi je me chargerai de faire la transmission à comment ça, Johan. C'est le mec des tontons filmeurs qui gère c'est le festival. Des tontons filmeurs. Voilà. Oui. Donc précision, les scénarios ont été écrits par des habitants du Val d'Amboise. C'est ça. Il y a 5 scénarios qui ont été retenus. Oui. 3 seront tournés par des équipes de professionnels ou de gens habitués à veiller la caméra. C'est des associations X ou Y. Voilà, c'est ça. Et deux par les tontons filmeurs. Deux équipes d'habitants formées par les tontons filmeurs. Ouais. Pour l'occasion. Voilà. Et du coup, dans les trois pour les autres assos, il y a Pépite Lab qui participe là où que travaille notre producteur. Voilà. Pépite Lab participe et aura un scénario et le SVA travaillera justement pour Pépite Lab. Ça fait une chaîne comme ça. C'est ça. C'est assez fun. Du coup, ça sera le 7 et 8 mars le tournage. Donc si vous avez du temps libre et que vous voulez être figurant, rappelez-nous, n'hésitez pas. Oui, il y aura besoin de figurants. Il y aura toujours besoin. Et les histoires sont franchement formidables qui ont été retenues. Le thème c'était Au paradis perdu, je crois. Non, ce paradis perdu. Paradis perdu. C'est-à-dire quelque chose de formidable, l'esprit, c'est quelque chose de formidable, d'extraordinaire, que l'on idéalise et qui est soit perdu ou qu'on n'atteindra pas. On n'atteindra jamais. On verra bien au moment. Mmh. Moi, j'avais aussi une petite info jeu vidéo. Ah. Vous connaissez tous Uncharted? Oui. Pas du tout. Bah oui, c'est mortel. T'as vu qu'ils voulaient sortir un film. Ouais. Ça fait longtemps. Ça sera un peu Indiana Jones. Ils ont perdu leur 5e réalisateur. Oh merde. Non. Oh, la malédiction. Où est-ce qu'ils l'ont perdu? Il est parti en fait. Ah. Et le 6e en fait, il est pas loin de partir en fait. Tu te souviens la vache, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi je sais pas. Bah, il est réputé maudit maintenant. Ah. Mais ouais, l'exigence des producteurs peut-être qui. Ah peut-être. Ouais. Je sais même pas pourquoi. J'ai pas tout compris. Mais... Je pense que les fans attendent beaucoup de ce film et ça doit être une grosse pression. Ouais, ça doit être ça. Je sais pas pourquoi ils veulent faire un film. Le jeu c'est presque un film. Bah ouais, c'est vachement scénarisé. Ouais. Sinon c'est Indiana Jones. Ce qui s'est passé sur Twitter avec Sonic, quoi. Ils ont dû refaire le design de Sonic parce que les gens étaient pas contents. Ah mais ça c'est différent. Ouais, mais ça c'est chouiné un peu. C'est pas chouiné, c'est qu'ils ont mal fait leur foutu bordel. Leur com, ouais. Du moment qu'il y a Jim Carrey, franchement, c'est bon, ça passe. Non, bah non. Voilà. Non, je suis pas d'accord. Jim Carrey, ouais, il est génial. Ah si, qui l'aime pas. Ouais. Je pourrais afficher son affiche dans. Non, mais moi, c'est Sonic était quand même vachement mal fait. Hein. Tu l'as de. Non, mais j'aimerais bien. Jim Carrey et Keanu Reeves. Ouais, une affiche de Truman Show chez moi, ça m'irait très bien. On saura quoi vous offrir, c'est nickel. Moi, ce sera Eternal Sunshine. Elliot. Bien. Ah, t'avais pas beaucoup parlé. Tu attends, hein, t'as quelque chose à dire. Dans le micro, s'il te plaît. Si. Allez. Si, t'avais quelque chose à me dire. Merde, j'ai oublié maintenant, c'est malin. T'avais une actualité, tu sais, je t'avais dit pendant l'actualité. Je crois que tu l'as pas cours, là. Bah si, ouais. on a parlé juste, enfin pas juste avant, mais avant de commencer l'émission. Attends, ça va peut-être me revenir. Non, ça n'a pas l'air. Non, ça ne revient pas. Après, si en soi, je peux vous donner une petite actu. En soi, pour toujours parler d'art, si vous voulez voir une très bonne expo qui parle de photographie, de cinéma, vu qu'on est un peu dans le thème ce soir, Au château de Tours, il y a René Jacques qui est exposé. Cool. Et après, il faut savoir aussi en général que le château de Tours est en collaboration avec le Jeu de Paume, qui est un musée de photographie à Paris. D'accord. Donc ils font toujours des super belles expos. Et là, en ce moment, c'est René Jacques qui a fait beaucoup de photographies de plateaux de cinéma. Il est bien. Et très belle expo. Je voulais aller voir. Très souvent, ils font des expositions gratuites aussi à château de Tours. Oui, bien sûr. Après, en soi, dans la région, c'est tous les premiers dimanches du mois, c'est gratuit. Ouais, c'est ça. Tous les musées sont gratuits. D'accord. Et, tu dois plaire à elle. Pour le moment culture, c'est sympa. Et oui, souvent, oui, ça. Non, c'est pas gratuit le château Tours. Bah, moi j'y suis allé une fois. Si, tu dois plaire à Elsa. Ah oui, c'est notre prof d'histoire des arts. Au château Tours, j'y suis allé une fois, une exposition photo gratuite. Donc, ok, bon, bah après, dimanche, oui, après, il y a moyen. Après, il y a de très belles expos à Tours. Mais là, en tout cas, si vous êtes passionné de cinéma, allez-y. D'accord. Et de Jean Gabin aussi. Toi, t'avais une actu. J'adore Jean Gabin. Donc, allez-y. Je suis pas sûr que c'était celle-là, mais toi, t'es une actu finalement. Et au final, je viens de remarquer, t'as une voix qui passe bien à la radio en vrai. Je sais pas. Si je te le dis, si je te le dis, c'est que c'est vrai. Teddy a la bonne parole. Teddy a la bonne parole, voyons. Ah oui, c'est ça. Il prêche la bonne c'est parole. C'est notre gourou à nous. Gourou. Gourou. Je suis le camp. Et ben du coup, merci. On l'actue. Merci à toi. C'est déjà. Ouais, on va rentrer. Hein. Allez, on va aller se coucher. On va aller faire. Je savais pas comment la finir. C'est pas qu'on s'ennuie, mais. Ouais, on va aller faire une petite balade. Non, on va rentrer parce que bon, on a déjà une bonne demi-heure. Mais en même temps, t'es nombreux. Ouais. D'ailleurs, j'ai merci à tous ceux qui sont venus. Oui, c'était bien cool en tout cas. Merci d'avoir pris du temps. T'as aimé Charles ? Ouais, vraiment. Ta première ? Ma deuxième du coup. Ah oui, c'est. Mais c'est la première APK. Ma première APK. PK, c'est le must du must. Ouais, bah, je vois que c'est un peu le must. Ouais. Ouais. Non. Non, mais j'ai vu la lumière, mais t'as PK. Bonjour. C'est bien, tu passes de la pommade. C'est vrai que Clément a du souci à se faire, hein, parce qu'il y a du level chez vous aussi. Hein. Ouais, c'est clair. C'est cool. On a quand même deux émissions assez phares. Niveau culture, c'est vrai. Le traître, tu pèses dans le game. Tu trahis mon pote. C'est pas très grave. Et bien, t'as aimé toi aussi. Incroyable. Quel ego. Il y a pas d'ego. Ça, j'adore. T'as tes yeux qui se plient comme ça. Mais oui aussi. Oui, non, c'est très plaisant. Donc hâte de revenir dans deux semaines pour parler d'art. Nickel. Si vous m'acceptez. Ah ça y est, tu viens. T'as décidé. Et du coup, oui, et puis comme Deb, avant qu'on parte. Je serai plus la seule meuf. Avant qu'on parte, moi je fais toujours un petit big up à Vincent. Voilà. Ah oui, Vincent Batik, notre prof d'esthétique. J'adore ce prof. Ce prof est super. Et ben on fait des big up à Vincent et on fait des big up à tout le monde. Et je fais un gros bisou aussi, excusez-moi, je fais un gros bisou à ma maman, même si elle écoute pas. On a le droit à sa fille qui l'embête avec un stylo. Elle écoutera peut-être bientôt. Quel cadeau t'as une dédicace à faire ? Non, une dédicace. Non. Bah, moi non plus, alors. On s'en fout. Ouais, dormir avec Keanu Reeves. Keanu, oh oui ! Si jamais tu nous écoutes. L'homme le plus gentil de la Terre. Je jouerai à Cyberpunk 2077. Moi aussi. On en parlera plus tard. Ouais. En attendant, on va écouter All That The Wants de Beatnik Fans. Tu peux redire ça ? Les accents. All That She Wants. Beatnik Fans. Beatnik Fans. C'est une cover. Beatnik. Je sais pas qui c'est l'original, mais bon. On va écouter ça, on va bien voir ce que ça donne. Bisous. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.